alors que t'as la dalle, tu vas me surveiller peut-être. Non, mais elle a raison. c'est un peu inconscient. Après, je pense que les parents, ils devaient se dire, ils vont rester dans un secteur prédéfini, on n'est pas loin. Enfin, tu vois, ils ont pas dû penser à mal. Ouais. Et puis, en plus, c'est vrai qu'ils ont dû dire, l'environnement est plutôt sympa, les falaises. Bon, c'est vrai que c'est quand même propice. Une mer avec des vagues de 7 mètres. Bon. Il n'y a aucun problème. Une mer déchaînée. Flo. Faut faire confiance aux enfants. Moi, mon neveu de 7 ans, il m'a fait toute la charpente de la barrette. Avec ses petits doigts, hop, paf, paf. Il est fatiguant, c'est marrant, lui. Bon, Jennifer, aujourd'hui, le frère va bien, tout le monde va bien dans la famille. Oh, bah, c'est une belle bête, hein, il a 24 ans. Ah, il s'appelle c'est comment bon, il va bien. Kevin. Est-ce qu'il marche toujours dos au soleil? Toujours, ça a marqué. Et ben, tu sais quoi, t'embrasseras Kevin pour nous. Et puis, je suis sûre que t'es une super grande sœur malgré tout. Ouais. Maintenant, oui, je fais beaucoup plus attention. Mais bon, après, j'ai 26 ans, donc c'est plus pareil. De toute façon, nous, on te pardonne, Jennifer. Ah oui, oui, complètement. Oh, merci. Et on te repasse le standard si tu veux gérer un pack fun ou autre, il n'y a pas de souci, d'accord? D'accord, merci. Bisous les filles, je vous adore. Bisous, Jennifer. Et à 21h56, je vous le dis, on a reçu l'appel le plus barré du monde de Fabien, 19 ans, de Paris. Alors lui, il a oublié son iPhone, enfin il a perdu son iPhone dans le métro. Par chance, c'est un pote à lui qui l'a récupéré, un pote qui voyageait avec lui. Sauf que comme il n'y avait pas de code sur l'iPhone, eh ben le pote a regardé dedans et il a donc vu qu'il était en train de gérer sa meuf. Ah, merde. C'est-à-dire que Fabien est en train de piquer la meuf du pote et c'est le pote qui a tout lu sur le téléphone. Vraiment pas de chance. Alors, il a retrouvé l'iPhone, mais il a perdu son pote. Ah bah ouais, il lui a rendu, mais bon après... Ah, mais pété, moi. Ah, moi je l'aurais pété devant lui, tu sais. Ah bah oui. Ah pas cool, mais bon, bah oui, il faut faire attention aussi, il faut pas faire ce genre de plan foireux à nos potes, hein. Ah non, mais ça s'appelle pas un pote, hein, franchement. Ah, c'est vrai. Ah oui, ça se voit. Ah ouais, je suis outré. Fabien, on est absolument outré. Et comme vous êtes nombreux à appeler pour pouvoir, pour parler des pertes, on refera une session. Je vous rassure. Non, mais ouais, des pertes d'objets. Les pertes, c'est horrible. Ah, mais ça va, c'est la vie. Ah, oui, mais on parle pas de celle-là en plus. Et est-ce que t'as un auditeur qui a appelé pour dire moi j'ai perdu mes pertes blanches? Bon, bah non. Non, nous, avec Thibaut, on se regarde à chaque fois, on est très gênés. Ouais. Ah, mais je peux comprendre que pour les garçons, ça dégoûte un peu les pertes. Je suis désolée, Anso, je peux le comprendre. C'est le mot, c'est le mot. Ils savent pas ce que c'est exactement. Et pour eux, c'est juste un truc. Il faut vous ouvrir un peu, oh là là. Non, c'est juste le mot perte. Il y en a, ils aiment pas le mot croûte, moi c'est perte. Ah, bon, d'accord. Bon, en tout cas, juste avant de retrouver l'équipe de Love in Fun, on voulait partager quelque chose avec vous. Ça concerne Kev Adams. Alors, vous le savez, aujourd'hui, Ala 2 est sorti. On avait reçu d'ailleurs Kev et Vanessa Guide il y a quelques jours et ça nous a fait marrer. Donc, ils ont fait un marathon de promotion incroyable dans toute la radio possible et imaginable. Et Kev était notamment, je crois, ce matin l'invité de France Inter. Oui. Et donc, il y a une chroniqueuse qui a fait un billet d'humeur sur Kev Adams, c'est qui a fait une vanne qui n'est pas très bien passée. En fait, elle s'appelle Agnès Hurstel et elle fait des billets d'humeur, mais qui sont très drôles en plus. Hein, et elle a fait un truc, elle leur a fait un poème à Vanessa Guide, Jamel Debbouze et Kev Adams, comme si c'était son neveu qui l'avait écrit. Et en gros, dedans, il y a une punchline qui dit « Jamais je ne remplirai ni le Zénith, ni Miss Univers ». forcément, la meuf, c'est-à-dire qu'elle y est allée, mais en frontale. Ouais. Parce que pour ceux qui vivraient dans une grotte, a priori, Kev serait en couple avec Iris Mittener. La Miss Univers. Donc Kev, qu'est-ce qui nous a fait sourire? Et ben c'est sa réponse. Écoutez le petit clin d'œil. Pardon, j'étais... Vous comprenez pourquoi j'écoute Fun Radio? Parce que Bruno est un pote. Vous comprenez pourquoi j'écoute Fun Radio? Il a raison. Et voilà, il est très sympa quand même. Mais c'est vrai que merci, bon, après il l'a bien pris, hein, il a de l'humour, mais et puis Nagui qui fait le big up à son pote, wesh les potos. Ouais. Et oui, évidemment, on les embrasse aussi, Bruno et toute l'équipe. Et puis on va saluer ceux qui prennent la relève comme chaque soir à partir de 22h. Équipe de Love in Fun, bonsoir Karel. Bonsoir. Ben nous on écoute France Inter. Hein. Ah merde! Nickel! C'est tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est tout pour moi, salut! Bonne soirée, bon spectacle! Le gars qui fout trop la merde! Je plaisante, ma radio, c'est Fun Radio, j'adore. Alors, c'est une bonne question parce que bonsoir Alice, bonsoir Doc. Doc Pavageau, avant de venir sur Fun Radio, est-ce que tu écoutais Fun Radio, sois honnête? France Culture. Ah oui, d'accord. Lourdeur. C'est médecin, le mec. Il est chiant, ce mec. Pas du tout. C'est pas du tout chiant. C'est ça. Il faut écouter. Ouais. Après, voilà. Mais t'écoutais pas du tout de Libre Antenne, pas du tout Fun, rien du tout. Il y a très très très longtemps. Ah oui, quand même. Oui. Ah bah voilà. Et maintenant, t'écoutes que ça, le son dance floor. Bah oui, du matin au soir. Tu sens le truc tellement naturel. Bien sûr. Il est bien. Bah, franchement, en tout cas, nous, on est ravis d'avoir ce doc. Non, mais moi, j'écoute tous les soirs et il est très sympa, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Il est que sympa, c'est ça le problème. Sinon, il est nul. Il est nul en médecine. Déjà ça. T'es dur. Mais non, mais si on se taquine, c'est parce qu'on le pense en plus. Pas. Pour être con en plus. Par exemple, bien sûr. Non, mais c'est vrai, voilà, t'es déjà très sympathique. Voilà, c'est ça. Il est gentil. Et c'est sur cette belle ambiance qu'on va vous laisser avec l'équipe de Love in Fun. Ils sont avec vous jusqu'à minuit. Karel, Alice et Doc. Et nous, on va se retrouver en direct demain soir. Demain soir, on vous envoie au MTV IMA. Demain soir, on va encore passer une soirée de ouf. Donc soyez bien là à partir de 20h. On vous annoncera aussi les invités qui arrivent dans le Night Show la semaine prochaine. Mm-hmm. Voilà, 20h, 22h. On vous fait de gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Et salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Ouais, on est très content d'être avec vous, avec toute l'équipe. Ça y est, c'est parti. Nouvelle soirée. Nouvelle soirée là tous ensemble, de 22h à minuit, du dimanche au jeudi. On est très content d'être avec vous. J'espère que la journée a été cool. Nous, franchement, on a passé une bonne journée. Ah oui. Une petite après-midi là, sympathique. On a déjà lancé un concours sur Instagram. Oui, je vous le oui. dis, c'est Alice qui s'occupe des petits concours Instagram. Alice, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Bah, je suis d'humeur à offrir des cadeaux. Donc rendez-vous sur la page Instagram de Fun Radio. On vous propose voilà, de balancer votre âge en commentaire pour gagner un pack Fun Radio grâce à Love in Fun. Voilà, comme ça on en sait un petit peu plus sur oui. vous. Quel âge avez-vous? N'hésitez pas à commenter le post Instagram et on fera un tirage au sort. Petit cadeau aussi oui. pour l'un ou l'une d'entre vous. Ah, il est là le Doc. Oui. Il est là. Alors, il est arrivé un petit peu plus tard que d'habitude parce que Doc était au théâtre ce soir. Bien sûr. Bon, des fois on peut se tromper, on fait des bêtises. Bon. Non, c'était pas bien, c'était pas. Non, enfin, pas bien. En tout cas, moi, j'ai pas kiffé, quoi. D'accord, donc on ne dira pas ce que c'était. Non, voilà, non, c'est ça. C'était de la merde. Ah, mais c'était Next. Pas bien. Eh ben, tu vas pouvoir passer une bonne soirée là, avec nous. Bah, oui. Je rappelle que Doc est médecin, un vrai médecin, généraliste, sexologue, c'est sa spécialité, donc il en connaît un rayon. Vous pouvez venir ici hein, poser toutes les questions que vous voulez. Vous savez que dans cette émission, bah, c'est un petit peu différent justement parce que on se parle vraiment, on se dit les choses. Vous pouvez venir poser toutes les questions sans tabou. Il y a vraiment pas de tabou. On interdit personne à l'antenne. Si vous avez un truc à dire, vous venez ici. Vous pouvez même être anonyme. Hein, c'est justement une petite séquence dans l'émission, l'appel anonyme. On masque votre voix, vous changez de ville et vous pouvez venir ici témoigner totalement en toute liberté. On va accueillir notre auditeur du soir, c'est Romain, il a 22 ans, il est de Paris. Bonsoir Romain. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Bon, salut. Bonsoir Romain. Romain, alors il va falloir que tu parles bien dans le téléphone mon poteau. Ouais. T'es où là? T'es où là toi? Là je suis chez moi là. T'es chez toi, d'accord. Tu viens de rentrer, t'as bossé là aujourd'hui? Ouais, je viens de rentrer, j'ai bossé toute la journée et là je rentre de la salle. D'accord, et t'es un fidèle auditeur toi, Romain? Ouais. T'écoutes régulièrement? Ouais, bah j'écoute tous les jours. Tous les jours? C'est vrai ça? Ouais, sauf quand vous êtes pas là, bien sûr, mais... Ah, bravo, c'est logique. J'écoute tous les jours. Ah bah quand on n'est pas là, c'est plus difficile. Et alors, tu nous écoutes tout le temps en direct ou parfois il t'arrive, peut-être au boulot, de mettre un petit replay de temps en temps? Ouais, bah je vous écoute en direct quand je peux, sinon c'est du replay. Eh bah ça fait plaisir. Bon, j'écoute les émissions en entier. Et c'est vrai qu'on est en replay sur le site de funfunradio.fr et donc on salue là peut-être ceux qui nous écoutent et qui se réveillent. Hein. Bon réveil à vous peut-être, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi. Hein. Merci en tout cas d'être avec nous. Romain, ta première mission ce soir, ça va être de choisir la musique. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais écouter ce soir dans l'émission? Est-ce qu'il y a un son que t'aimes bien et que t'aimerais bien entendre? Ce sera le tien. Ouais, alors moi je voudrais le nouveau DJ Snake Taki Taki. Taki Taki, avec Selena Gomez, écoutez. Dans l'émission aussi ce soir, on écoutera Silk City et Dua Lipa. T'aimes bien ça Romain? Ouais, je kiffe. Ça m'arrange. Allez Farben, ce soir dans l'émission aussi, écoutez ça. Ils sont bien cool hein. j'annonce un gros tube là dans les semaines à venir ça. Only Thing We Know à découvrir ce soir dans l'émission. Je m'appelle Karel, vous l'avez entendu, Doc est là. Alice, oui. Kassim le reproducteur. Comment ça va Kassim? Ouais, bah, ça va bien, ouais. Oh, non, ouais, dis pas que ça va bien. Et Kassim, depuis deux jours, il nous dit ça va pas, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe Kassim? Non mais ça, je suis juste au bout de ma vie, j'ai un gros rhume et que je suis fatigué et je dors pas en fait. Ah mais il y en a beaucoup qui sont malades en ce moment, Doc. Ouais, c'est la rentrée des virus. Ah bah voilà, ouais, c'est ça. T'es enculé de virus quoi. Mais alors, le chien, t'es virus. Tu bosses avec un médecin Kassim tous les soirs. Prends-moi ma température, vas-y. Évidemment. Dans la bouche. D'ailleurs, je veux pas dire, mais ça fait deux semaines qu'on annonce dans cette émission qu'il va y avoir un vrai combat de chef, hein, j'ai envie de dire, avec l'examen, ouais. Avec Doc face à Kassim. On l'organise quand ce combat? Pas là, vu son état. Tu sais que je te défonce quand même si je suis malade. Alors, j'annonce, demain on le fait. Le combat des héros, hein. Ouais. C'est les héros qui soient guéris plutôt, non? Non. Mais il est guéri, ça va, il se mouche, c'est bon. Non, et demain on fera le fameux duel. Hein. Et il y a deux auditeurs, voilà, qui choisiront entre Doc et Kassim pour savoir qui gagnera son cadeau. Coco au standard, ça va mon Coco? Ouais. Ok, super. Il est au taquet, le mec est déjà en train de préparer les auditeurs. Et puis bien sûr Méloche. Ça va Méloche? Bonsoir, ça va, merci. Méloche, on a mis une petite photo de Méloche aussi. Oui, exactement, sur l'Instagram de Love in Fun. Vous pouvez découvrir la belle petite frimousse de Méloche. Et voilà, si vous voulez vous placer, c'est le moment quoi. Ah bah, un an et demi qu'elle n'a pas vu le loup. Ouais, ouais. C'est ça, hein? Exact. Et elle nous a dit il y a deux jours, j'ai besoin d'une bonne bite. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Méloche, tout en naturel. Romain, t'es célibataire? Non, je suis en couple. Eh bien voilà, eh ben, écoute, merci de m'aider. Alors, on va accueillir, si t'es d'accord, Romain, notre premier auditeur. C'est toi qui décides. Ouais, allez, c'est parti. Il s'appelle Théo, il a 17 ans, il est à Paris. Bonsoir Théo. Salut les gars, salut l'équipe, comment vous allez? Salut. Au top Théo, t'as passé une bonne journée? Bah franchement, justement, je devais vous raconter ma journée, il m'est arrivé une grosse galère. Grosse galère? Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse galère, mais même faudrait que vous m'aidiez les gars. Vraiment. Ouais, on va t'aider. Vraiment. Parce que... Bah c'est quoi? Ouais, non, attends. Là, on a l'impression qu'il s'est arrivé, là. Non, mais sérieux, tu me dis pas c'est une bonne journée, mais j'ai pas fait une pire journée qu'aujourd'hui. C'est grave. Vas-y, moi, je vais vous balancer ce qui s'est passé. Je préfère, à la base, pas trop en parler à mon entourage, parce que c'est quand même tabou, j'ai une pratique, tu vois, elle est pas... Et tu sais quoi, tu le fais tellement bien Théo que j'aimerais t'arrêter là et dire vous bougez pas, la suite après la pub. Hein, comme ils font dans les émissions de télé. Parce que pour parler de ça, c'est vraiment... Ah oui, ça te stresse, t'as honte ou quoi? Mais c'est pas que j'ai honte, tu vois, mais c'est trop la loose ce qui m'est arrivé. Et je... Il s'est passé quoi? American Pie, vous avez jamais regardé American Pie? Ouais, c'est un film où justement ils se branlent dans une... Tarte aux pommes, ouais, c'est ça, ouais. Mais même une tarte aux pommes, c'est sympa à côté, parce que la tarte aux pommes, à la limite, il la jette, tu vois. Mais moi, vas-y, je me lance. Oui, tu t'es branlé dans un truc, on dirait, là. Hein. Dis-nous. Bah, à peu près, ouais. Moi, j'ai une pratique, c'est me branler, tu vois, mais dans des chaussettes, parce que tu vois, ça retient l'éjaculation, donc tu peux vraiment... Elle rigolait pas. Attends. Tu peux vraiment kiffer, tu vois. Ça retient l'éjaculation? Non, ça permet d'éjaculer dans une chaussette plutôt que dans son lit ou ailleurs. Ouais, mais tu peux... Enfin, bref. Ça, attends, on va y revenir. Toi, t'arrives à retenir ton éjaculation en te branlant dans une chaussette, dis donc, toi. Bah ouais, tu vois, parce que une chaussette, tu sais, c'est... Enfin, mais c'est la suite, c'est vraiment qui... Parce qu'une chaussette, ça va où ça va? Au linge sale, tu vois. Ouais. À la limite, ni vu ni connu, le problème, c'est que ma mère... C'est elle qui... Elle prend mes chaussettes et j'aurais pensé que c'était des chaussettes propres. Et elle me dit, ouais Théo, on était à table hein, avec toute ma famille et tout. Elle me dit, pourquoi tes chaussettes elles sont dures? Oh là, mais c'est dégueulasse. Ça c'est le danger du sperme hein, qui devient dur au bout de quelques jours, hein, voire même quelques minutes. Oui, c'est ça. À la base, tu vois, je fais ça dans des mouchoirs, genre normal, mais là, l'affiche, je trouvais pas ça logique de. Tu es à 2h du mat, tu vas dans les chiottes, tu tires la chasse ou tu prends du PQ, tu sais, c'est cramé un peu, tu vois. Ouais, je sais pas. Non, moins cramé qu'une chaussette, quand même. Ouais. Enfin, je sais pas. Tu en as la preuve, là. Limite, cette chaussette-là, j'aurais préféré la brûler ou l'acheter, mais pas que ma mère tombe dessus et me dise ce genre de truc, tu vois. Mais tu lui as répondu quoi? Mais j'ai pas su quoi lui répondre. J'ai trop badé, je suis sorti de table. Et je savais même pas quoi le... Et pense, alors, tu sais quoi, tu aurais pu lui dire que t'as transpiré beaucoup. Ah bon? Bah oui, quand tu transpires vraiment beaucoup, après quand ça sèche. Ah, j'irai pas sentir tes pieds, Doc. Je sais pas pourquoi. Je ne transpire pas des pieds. Donc, ou tu t'es mouché dedans, tu sais. Genre, j'avais pas de mouchoir, j'ai pris une chaussette propre, je me suis mouché, basta. Ouais, mais ouais. Et Théo, moi, je vais te dire, franchement, j'ai eu la même histoire que toi. Et ma mère, elle m'a fait la même réflexion que toi, sauf que moi, c'était encore pire parce que je me branlais dans. Enfin, genre, tu sais, je me branlais et tout, et puis j'avais même pas les chaussettes. Donc, moi, je prenais un bout de drap et je refoutais le truc dans le lit, quoi, tu vois. Ah, mais c'est dégueulasse. Et ma mère, elle m'avait dit aussi, mais pourquoi tes draps sont toujours tout sec, tout dur, là. Que d'un seul côté. À la limite, tu sais, je m'en fiche maintenant de ce qui s'est passé, mais c'est surtout, maintenant, il faudrait une technique pour masturber sans laisser de traces. Ah bah, c'est facile. Tout dans la bouche. Il faut bien viser. Hein. Tout dans la main. Non, il faut bien viser. Je sais pas comment tu fais, toi, Coco. Quand tu te masturbes pour t'essuyer, tu t'essuies avec quoi, toi? Non, moi, je fais ça dans les toilettes. La chaussette à la base, tu vois, mais. Maintenant, Théo, tu t'appelles Coco? Attends, Théo, tu nous poses une question, je pose la question à Coco. Alors, vas-y, dis-moi. Moi, je Coco. Fais ça dans les toilettes, comme ça, je suis tranquille. J'ai juste, au moment où je vais commencer à venir, j'incline ma verge dans la cuvette et tout part sur la cuvette. Le problème, c'est que tu tires pas la chasse d'eau juste après. Ah bah t'es cramé. Ça fait une trace jaune. Ah, ça donne une chemin. C'est ça. Au contact de l'eau, en plus, le sperme, c'est un truc chelou. Le lavabo, ça peut faire la même chose, la douche aussi. Enfin, après, si tu laves tout de suite, il se passe rien, quoi. Bon, puis en même temps, c'est pas gravissime non plus, hein. C'est que du sperme et qu'une masturbation, ce que 99% des hommes pratiquent de manière très courante. Donc, et bon, Théo. Bien sûr, oui, et toute la vie d'ailleurs. Donc, continue aussi. Même en étant en couple à côté. Ah, ben oui, non, mais voilà, Théo, il n'y a rien de. Enfin, je pense que ta mère, ça a dû la faire marrer. Il n'y a pas d'autre solution pour pas laisser de traces. Pas laisser de traces, bah, tu prends un verre et tu le laves. Oui. Alors, Kassim, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, ce que je fais, c'est que je m'éjacule sur le ventre et du coup, ça rentre dans le nombril et ça stocke. Ah, c'est dégueulasse. Ça fait la petite rigole. Là. Exactement. Hein. Et non, mais Théo, le bon vieux mouchoir. Ou la lingette. Pourquoi tu, enfin, ou alors tu fais ça dans une chaussette, mais tu vas tout de suite la rincer, tu vois, avant de la mettre à laver. Faut juste que tu laisses pas croûter ton sperme, enfin quoi. Tu vois, c'est la moindre des choses, en fait. Ou dans ta main et tu te laves les mains après. Laisse pas croûter ton sperme. C'est technique là, ouais. Bah ouais, ah ouais. Non. Et Romain, notre auditeur du soir, qu'est-ce qu'il en pense, Romain? Dis-nous tout. Ouais, bah écoute, moi, comme a dit Doc, moi dans la main, hop, tu laisses la croûte, ta chérie, et puis c'est fini, quoi, tu t'endors. Hein. Voilà, les mecs sont des porcs. Hein, vous l'avez entendu. Ouais, non, mais bien sûr. Et alors, ça vous fait quoi, les filles, Alice, Méloche, de savoir que nous, on a un rapport comme ça un peu particulier avec notre sperme? C'est surtout que vous êtes vraiment mal organisé, quoi. Vous prenez trop la tête, vous posez trop de questions, comme si tout le monde avait quelque chose à foutre de votre sperme. Tu serais un mec, tu ferais comment? Moi, je serais un mec, je pense que je ferais ça dans une vaginette que je rincerais tous les soirs. Oh putain. Tu vois? J'aurais ma petite vaginette de branlette, tu vois, et le soir, je me mettrais une petite bougie tamisée. Je sortirais ma vaginette. Et paf, et je rince, et puis basta, quoi, tu vois. À fort. Et toi, Méloche, tu ferais comment si t'étais un mec? Dans la douche, je pense. Dans la douche. C'est plus simple, après tu te rinces direct, voilà. Ouais, grave. Ouais, non, mais. Ok, d'accord. Moi, j'essaierai ce soir. Non, mais ok. Alors, Théo, t'as eu plein de conseils, mon poteau. Mais t'inquiète pas, en tout cas, pour ta maman. Hein, elle s'en doutait un peu, je pense. Hein, t'inquiète. Hein. Ok, ça fait plaisir, les gars. Mais en tout cas, ouais. Ouais, t'inquiète pas, t'es pas obligé de trouver une solution pour pas que ça se voit, tu vois. On s'en fout, quoi. Lave tes fringues au pire, tu vois. C'est pas forcément à ta mère de le faire, donc. Comme ça, c'est réglé. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Ah voilà. Ah, voilà. Oui. Tu vas à la laverie maintenant. Voilà, apprendre à laver ses vêtements. Budget laverie maintenant. Et Théo, et tu reviens quand tu veux, Théo. Hein. Et bon. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir entendu, de m'avoir donné des réponses au moins sur ça, tu vois. Bah, bien sûr. Bah, c'est un sujet que tout le monde maîtrise, hein, ici, dans cette émission. En tout cas, même les gens. Je vois ça. Les mecs. Alors, salut mon Théo, tu reviens quand salut. Tu veux. Ciao à toi. Ciao, merci. Gros bisous à vous tous. Gros bisous, salut. Théo. Alors, n'hésitez pas, parce que me vient une petite idée. Si vous avez déjà eu la visite de quelqu'un de votre famille, d'un pote, alors que vous étiez en train de vous masturber. Les mecs, les filles, hein, c'est souvent un moment un petit peu gênant. Venez nous raconter, hein, on adore ça. 01 42 48 5000. Et on va parler, Alice, de tatouage dans un instant aussi. En fait, on a reçu un message de Lilian, il a voulu faire un tatouage. tatouage et en fait il voulait se faire tatouer le mot dilemme, sauf que le tatoueur a oublié un M, donc il se retrouve avec un mot avec une faute. Donc on va parler de tous vos tatouages ratés, les tatouages que vous avez regrettés, donc ouais, pas cool. Ah, le lose, le loser. Ah oui, mais ça arrive des fois aussi avec les initiales de nos ex ou les dates, tout ça, enfin voilà, des fois c'est nous qui regrettons le tatouage parce qu'on a une idée de merde, mais des fois c'est le tatoueur qui te rate, quoi. Absolument, et n'hésitez pas à nous appeler, venir nous dire justement si vous avez déjà fait un tatouage que vous avez totalement regretté. Et ses limites, il n'existe plus le truc. Hein. Venez là sur Fun Radio 01 42 48 5000 et on va revenir avec Alvaro Soler sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Allô. Je vais enchaîner les questions auxquelles il faut répondre le plus vite possible, si vous voulez bien. Oui. Merci beaucoup. Quel est le prénom le plus moche du monde pour vous ? Laurence. Vous êtes plutôt de la team des gens qui rotent ou la team péteur ? Oh, je pète. Si vos meubles étaient comestibles, vous mangeriez quoi, là, maintenant, tout de suite ? Oh, une table. Donnez un mot pour qualifier la génération des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Idiot. Dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Waouh, et celle-là, regarde. Alors ça, c'est moi dans le grand bassin, et là, ça, c'est moi. Oui, non, mais je vais glace. Y aller, là. Bah non, mais je croyais qu'on rentrait sur le même vol à 18h. Oui, mais je me suis trompé. En fait, je prends celui de 16h. Mais non, je voulais te montrer les photos de moi qui fait de la planche à voile. C'est bête. Ah oui, c'est bête. Avec EasyJet, il est possible d'embarquer sur le vol précédent pour seulement 30 euros. Et ça, ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. Fun Radio et Soirée Ferio présentent Halloween. L'Halloween Festival au Doc de Paris. Mercredi 31 octobre. Venez vivre le plus grand Halloween de France. Avec une vingtaine d'artistes réunis sur trois scènes indoors. Techno, hard music et main stage. Avec Sam Felt, Belcourt, Lucas and Steve, Damien Hendrix, Lumberjack ou encore Adrien Thomas. La nouvelle édition de l'Halloween Festival au Doc de Paris, c'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Infos et réservations sur halloweenfestival.fr. Tous les soirs. Love in Fun. 22h minuit, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. I like your body, you're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mami, ben, like, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. Voy a aprender a controlar, fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Ven, ven, baila conmigo y baila conmigo. mi cintura, cintura. Alvaro Soler sur Fun Radio. De 22h à minuit. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, j'ai l'impression qu'Alice se fout de la gueule de mon accent espagnol. Non, je trouve ça marrant, tu sais, ça fait vraiment Alvaro Soler sur Fun Radio. Non, mais Madame Toupin, ma prof d'espagnol, disait que j'avais un bon accent. Mais elle t'a pas dit que le V se prononçait B également? Quiero vivir. Ah voilà, c'est ça. Alvaro. J'avais oublié. Moi, j'ai un espagnol de cinquième. Je vous le dis tout de suite. Qui maîtrise plusieurs langues ici dans l'équipe? Qui est bilingue? Et trilingue. Coco. Ah, Badoc aussi. Ouais. Ah, Badoc, ça m'étonne pas, il a fait des études. Coco, tu parles plusieurs langues, toi? Ouais, bah, français. Ouais, bravo. Anglais, je me la passe quand même. Ouais, ok. Et espagnol, par contre, ouais, par cœur. Espagnol, l'addition, s'il vous plaît. La cuenta, por favor. Ouais, et une bière, s'il vous plaît. Una cerveza, por favor. Voilà, ouais, vous savez à peu près tout sur ce qu'il faut savoir quand on va en Espagne. Hein, voilà. Et quiero chingar. Ça veut dire que tu veux niquer, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. Voilà. Quiero chingar, la una cerveza, por favor. Mais qui dit ça, quoi? Est-ce que tu veux niquer? C'est très mexicain, par contre. C'est très sale. Follar. Follar. Oh putain, ouais, attends, il y a une battle avec Doc. Alors, Doc, tu parles combien de langues, toi, Doc? Anglais et italien. Italien? Mais l'espagnol, tu disais que ça se disait comment, toi? Follar. Follar. Ah, mais italien. Genre, je veux te fourrer. Alice est d'origine italienne. Oui, voilà. Vous pouvez faire une petite discussion tous les deux. Ouais, on fera ça hors antenne. Salata. Parce que tout le monde s'en fout, en fait. Non, moi je trouve ça hyper intéressant. Non, moi je parle le Sims plutôt. Le Sims? Ouais, comme un snara. Da, da, da, da. Ah, magnifique. Alice parle le Sims. Ouais. Très, très beau. On peut applaudir Alice pour cette magnifique imitation du Sims. Oui. Romain, quelle langue tu parles, toi, Romain? Moi français, anglais, et puis sinon je parle le cuni, quoi, c'est la meilleure. Voilà, le langage de la langue, bien sûr. Et ben merci Romain, on va tout de suite parler des pires tatouages, Alice, c'est bien ça? Oui, on a reçu un message de Lilian, en fait. Il a voulu faire un tatouage, sauf que le tatoueur a fait une faute dans le mot. Il voulait écrire dilemme, mais c'est écrit avec un seul M. Donc on va parler des tatouages ratés, que ce soit parce que vous avez eu une idée un peu merdique que vous avez regrettée, ou même carrément parce que des fois, les tatoueurs n'assurent pas. Ouais, de l'importance de choisir son tatoueur. Normalement, quand tu vas faire un tatouage, tu écris le mot, le tatoueur écrit le mot, on est d'accord sur les lettres et machin, etc. Enfin, il a le modèle à côté quand même. Ah ouais, non, ou le cash. Donc, c'est vraiment une faute. Une faute d'orthographe, pour le coup, dans ton tatouage, il faut faire corriger ça. Et il y a des solutions, d'ailleurs. On va accueillir Alexia. Dites-nous si vous avez des tatouages que, voilà, vous avez regretté, que vous n'avez pas assumé une fois tatoué, vous êtes dit, putain, c'est quoi cette merde? Bonsoir, Alexia. Bonsoir. Ce mec est dégoûté, quoi. Bonsoir, Alexia. Salut tout le monde. Salut. T'as 19 ans, t'es de Nemours. Tu te l'es fait, toi, cette réflexion à la fin de ton tatouage en te disant, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est quoi cette connerie? Vas-y, raconte. Comme tous les jeunes, on est tous cons, hein. T'as 19 ans. J'ai eu un copain. Ouais, mais bon, on est quand même jeunes et cons, hein. Ouais, bien sûr. Et alors? J'ai eu un copain, il y a un an de ça, et il m'a payé un tatouage et il a voulu que je marque son initiale. Non, c'est pas vrai. Ah, t'as le mec qui te paye un tatouage et il t'impose de mettre son initiale, quoi. Ses initiales. Voilà. Et alors, donc toi, tu le fais? Voilà, chose qui est faite, on habitait ensemble et tout, bref, la honte. Connerie. La honte, la honte de ouf, quoi. Elle a fait des tatouages de son totalement, mec. Totalement. Alors? Et du coup, on s'est séparés, il y a un an. Ouais, j'ai un nouveau copain, donc ça crée un peu, en fait. tu m'étonnes. Il faut choisir en fonction de l'ancien, oui, c'est en fait. Ça, il n'a pas la même initiale. Hein, c'était quoi les initiales, Alexia? C'est un J. J, seulement la lettre J? Ouais, seulement la lettre J, mais bon, mon copain le sait, du coup, même moi je le sais, c'est pas... Et tu peux trouver plein de mots, tu peux faire plein de lettres jolies, tu peux mettre autre chose à côté. La joie, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est le sûr, judo. Mais en soi, il y a le J et puis le tatouage est dégueulasse. Ah ouais, et le mec t'a raté, donc du coup, est-ce que t'as décidé de refaire un truc par-dessus ou de l'enlever? Parce qu'on peut aussi l'enlever. Non, je vais refaire un truc par-dessus. D'accord, c'est toujours pas fait encore. Et on peut se faire retirer les tatouages, hein, oui, tout à fait. Les dermatologues peuvent faire ça avec des lasers. Donc bon, après, c'est en fonction de la couleur, de l'intensité, c'est différents types de lasers. Il y a des choses qui partent mieux que d'autres. Ouais. Donc c'est pas toujours obligatoirement réussi et ça dépend des zones de la peau aussi. Donc bon, le mieux c'est quand même d'éviter d'en faire un qui te plaise pas. Et ça coûte très très cher, hein, oui, ce que j'ai entendu. Oui, évidemment, c'est pas remboursé. Bien sûr. Donc là, Alexa, t'as moyen de modifier. Ça reste juste un petit J. Oui. C'est pas très grave. Kevin est avec nous. Bonsoir, mon Kevin. Bonsoir. Salut, Kevin. T'as 23 ans et t'es de Tours. T'es un tatoué, toi. C'est ça. T'as du tatouage où ça? Sur la fesse? Sur les côtes, sur l'avant-bras et sur le muscle. Côte, avant-bras et sur les muscles. Le muscle. C'est ça. T'en as qu'un? Quel muscle exactement? L'avant-bras. Ah, le muscle de l'avant-bras. Et alors, qu'est-ce que t'as tatoué, toi? En fait, j'ai fait une erreur. On va dire une petite erreur. En vacances, j'ai voulu faire mon tatouage en hommage pour mes parents. Oui. Et en fait, j'étais parti de tête baissée avec la date d'anniversaire de mes parents, en demandant à la famille tout ça. Oui. Parce que, en ayant un père très blagueur, il m'a dit qu'en fait, c'était pas son anniversaire ce jour-là. Ok, mais c'était vraiment son anniversaire ou pas? C'était pas son anniversaire, la date que j'ai marquée. Ah, donc tu t'es trompé de date pour ton père, quoi. Enfin, ton père est un génie. Je suis fan de ton père. Tu l'as gravé à vie, quoi. Hein, et il gardera cette vanne sur toi toute la vie. Putain, c'est génial. C'est ça. Même au boulot, c'est les vannes. Putain, et alors, ça te fait quoi d'être vanné toute la journée non-stop depuis quelques années, Kevin? Franchement, au début, ça fait super mal, mais en fait, faut avoir le courage d'aller le refaire, en fait. C'est bon, et depuis, t'as changé la date ou pas, alors? Toujours pas. Ok, comme quoi tu l'assumes, t'en fous un peu, quoi. Ça fait partie de l'histoire Je m'en fous, oui, non, parce que voilà, c'est quand même ma famille, donc ça fait un peu désordre. Ouais, c'est pas très grave, franchement. En même temps, les gens te vannent justement à cause de ça, donc c'est aussi une partie de toi qui te rend sympathique. Bon. C'est à côté de ma famille quand même qui est gravant en moi. Donc. Il faut en jouer en fait de ces conneries. Après, si t'assumes plus, encore une fois, tu peux le modifier. Qui est tatoué dans l'équipe Doc? T'as tatouage, toi? Oui. Hein, au niveau du bras. Hein. C'est ça. Tu le caches tout le temps, Doc. Ouais, on l'a pas vu. C'est un sexe en érection. Non, et avec une licorne. Pas du tout. Hein, tout à fait, Doc. Hein. Non, il s'est fait une petite licorne. Hein. Mais avec un sexe à la place de la corne. Voilà, très bien. Et t'as qu'un seul tatouage, Doc? Non, j'en ai deux. Ah, et il est où l'autre? Il est où l'autre? Il est caché. Oh, ah bon? Mais caché où? Il est caché où? Sur la hanche. Ça va. Sexy Ducky. Non, c'est fort, ok, d'accord. Oui, alors là, tu peux courir. Alors là, mon pote, bien. Et c'est quoi comme tatouage sur la hanche? C'est un caducé de médecin, restylisé, dessiné par un tatoueur. Ok. Ah, donc, putain, c'est un vrai médecin, okay. Quoi. T'es raccord, quoi. T'es raccord. Jusque là, je l'ai dans la peau, le boulot. Alice, tatouage. Oui, j'ai une clé de sol, moi. Au niveau du poignet, bon, j'ai pas la sensation qu'elle soit ratée, mais peut-être. Alors, non, elle est très, très jolie. Et Alice recherche un tatoueur ou une tatoueuse. Oui, c'est vrai, je vais me faire tatouer. Il faut que ce soit gratuit. Hein. Donc, n'hésitez pas, vous voulez tatouer Alice. Et fin, surtout. 01 42 48 5000. On va avoir plein d'appels. Ah, je fais de la pub de ouf. Hein. Ah ouais, carrément. C'est quoi un calucé? Kassim, un peu de culture, explique-lui. Le symbole des médecins. Ah oui, le truc avec le serpent là. Voilà, c'est ça. Okay. Ah. Bravo Kassim. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Bravo. Je rappelle que Kassim demain affrontera Doc. Je pense que ça va être très sympathique. Et qu'il passe son brevet à la fin de l'année. Ouais. Et alors pour la petite info, puisque demain Doc et Kassim passeront l'examen, faut déjà savoir que Kassim est venu me voir déjà 3 fois dans la semaine pour me dire est-ce que je pourrais avoir les réponses. Allez, vas-y. Tu iras bien te faire foutre, tu n'auras rien. Coco, t'es tatoué? Ouais. T'as quoi comme tatouage? J'ai deux tatouages sur le bras. J'ai un 22 qui est ma date d'anniversaire. J'ai une petite rose. J'ai un tatouage sur le mollet. C'est un palmier. Et j'ai un tatouage sur le genou que je regrette énormément. Mais pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait sur ton genou? Je le regrette en fait, si tu veux. J'ai fait un Mexique. On sortait d'une soirée arrosée. On était en Mexico. Ouais. Et je rencontre un mec. J'étais un peu éméché. Et je lui dis tu peux me tatouer. Ah, j'ai écrit des lettres. Ouais. Et c'est pas droit. Et c'est juste en dessous de mon genou. Et le mec c'était pas un vrai tatoueur, quoi. Ouais, il se lavait pas tous les jours, quoi. D'accord. Ok. Mine de rien, ça peut être grave. Hein. Il faut aller voir un vrai tatoueur. C'est le risque numéro un, l'infection et l'hygiène. Hein. Ah, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Meloche a un tatouage au niveau juste au-dessus du boobs. Oui, au-dessus du boobs, ouais. Qu'est-ce que t'as tatoué, Meloche? You only live once. Petite phrase philosophique, pardon. Ah, Ah bien sûr, ça veut dire Karel, je t'aime pour la vie. Voilà, mais d'ailleurs Karel, moi j'ai surtout vu ton petit tatouage dans le dos là, c'est sympa. T'en as pas parlé toi. Ah ouais, c'est vrai. Et eh ben écoute, pour le voir, il faut coucher avec moi. Ça veut dire que j'ai couché avec toi en fait. Ah ben écoute, why not. Mais parce que tu sais où le tatouage commence, mais tu sais pas où il finit. Enfin, voilà, c'est ça. Ah, mais moi j'ai fait un tatouage et en fait j'ai voulu le faire rejoindre et tout au niveau de l'aine. Mais depuis on me dit que je porte toujours des strings. Oui, en fait t'as un tatouage dans le dos et qui continue jusque sur tes hanches et qui revient devant, c'est ça. Ouais, je l'ai fait à Tahiti. Ouais. Ça s'oubliait pas, donc je voulais le graver le truc quoi. C'était un truc de ouf. On va demander à Kevin aussi, pas du tout. Oh, Dylan de Paris. Bonsoir Dylan. Bonsoir, je suis pas Kevin. Hein. Ah ben je sais, t'es pas Kevin, mais sois pas agressif Dylan. Hein. Tout va bien se passer. Sinon on va t'appeler Kevin. Tu l'as gagné. Alors Kevin. Oui. Kevin, t'as fait quoi comme tatouage toi, Kevin? Alors en fait, j'avais dessiné sur une feuille de papier en fait un pénis et un cœur en fait pour un délire. Et après j'ai emmené ça chez un tatoueur et en fait il m'a fait un espèce de montage en fait stylé. En fait, il a incorporé le pénis dans le cœur. Ouais. Et voilà. Mais c'était une vanne à la base ou pas, Dylan? Non, c'était comme ça pour le délire. D'accord. C'est ça. Et après j'étais chez le tatoueur, il me l'a fait en. En quoi il me l'a fait en 2-3 heures maximum. Ouais. Et le pénis dans le cœur, c'est ça que t'as dit? Ouais. Et maintenant, t'as une photo? T'as une photo à nous envoyer pour qu'on comprenne un peu mieux? Je vous l'envoie tout. Bah, c'est envoyé là, c'est bon. Grave! Okay. Non, mais bien sûr. Non, mais il y en a qui n'en ont rien à foutre et. Sur votre Facebook. Ouais, okay. Ouais. On va mater ça, Dylan. Non, mais c'est comme Pablo du Night Show qui s'est tatoué Martine sur son avant-bras alors qu'il en connaît pas une seule. Et Dylan, est-ce qu'on peut se permettre de la publier cette photo pour que tous les auditeurs puissent comprendre? Oui, pas de souci, oui. En fait, pour ceux qui ne peuvent pas voir, c'est un peu comme si c'était une bite en forme de cœur avec les couilles qui font les chaque côté du cœur et en haut, bah voilà, t'as un gland qui fume. Ouais. C'est pas qui fume, en fait, c'est censé être une éjaculation, en fait. Ah, bien sûr. D'accord. Ah oui, Dylan. Franchement, permets-moi de te dire que c'est tout de même très moche. Hein. Oui, voilà, mais comment on peut le retirer maintenant? C'est ça le problème. Ah, comment? Alors, c'est un tatouage en couleur. Ah, tu regrettes. C'était vraiment ça, donc tu regrettes. Ah bah oui, je le regrette, bah oui. D'accord. Non, mais j'avais pas entendu que tu regrettais. Et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait alors si tu regrettes? Je sais pas. D'accord. Encore l'alcool ou pas? On se dit tout, hein? T'es bourré? Non, pas du tout, non. Ah, à l'époque, t'avais des problèmes psychologiques, peut-être. Non, mais t'es parti d'un délire à Paris, peut-être, non? Parce que là, on va vous mettre la photo, hein, les amis. Hein, vous n'allez pas revenir. Tu sortais d'une rupture? Ouais. Non, même pas. J'ai fait, en fait, comme j'ai dit, j'ai dessiné en fait sur un papier, j'ai dessiné tout et n'importe quoi. Ouais. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être bien d'aller chez un tatoueur pour qu'il me fasse un montage ce avec ces deux-là, quoi. Oui, tu vas te faire tatouer tous les trucs que tu dessines. Ouais, ouais. Méfie-toi de toi. Non, pas du tout. Mais je vois ce que tu veux dire, Dylan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es mis devant une feuille et tout, et puis là, tu t'es dit, putain, un éclair de génie, j'ai fait une œuvre. Ouais. Hein. Et tu t'es dit, je vais aller la faire tatouer, en fait. Il a quand même bien réussi, non? Le lendemain, passer la cuite, ça y est, tu t'es réveillé. Et alors, des solutions existent, mais ça va te coûter un bras. Hein, oui, c'est ça. Il faut aller voir un dermatologue qui fait le détatouage. Faut essayer de prendre des gens sérieux, donc c'est mieux des dermatologues. Il y aura des séquelles aussi. Comment ? Il y aura des séquelles à ça. Bon. Ah bon ? Alors, il peut y avoir des cicatrices, oui, c'est vrai. Ça dépend des couleurs. Voilà. Globalement, ça dépend surtout des couleurs. Donc, faut d'abord aller voir le dermatologue. Il va te faire un devis de toute façon. Il va te dire, voilà, ça va te coûter tant. Voilà ce qui va rester. Voilà les cicatrices qu'il peut y avoir. C'est pas sûr qu'il y en ait. C'est pas sûr qu'il n'y en ait pas. Voilà, mais au moins, tu auras quelqu'un qui va te dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Parce que peut-être que ça ne l'est pas non plus. Hein, ça... Tu peux de toute façon recouvrir le truc. Hein. On a un tatoueur qui est avec nous. On peut surtout en faire un autre. Ouais. On a Louis Lacour qui est avec nous. Bonsoir Louis Lacour. Ouais, bonsoir à tous. Salut à toi Louis. T'es tatoueur toi, Louis? Exact. Voilà, tout à fait. Moi je suis tatoueur en fait dans le 16e arrondissement, le salon Le Château d'Encre. Et voilà, donc ça fait un an que c'est ouvert. Et donc j'ai pas mal de clients qui ont des galères assez fréquemment entre les erreurs de frappe, un tatoueur sale ou pas mal de petites choses comme ça. Donc du coup, je les aide à pouvoir arranger tout ça. Bien sûr. Alors Dylan est de Paris. Donc oui. T'as entendu, alors il s'est tatoué un cœur en forme de sexe. C'est ouais, tout à fait. Alors bon, après, chacun libre de faire ce qu'il veut. Après, libre aussi au tatoueur de conseiller le futur tatoué en termes de composition. On peut faire des choses un petit peu artistiques, graphiques et tout ça. Ouais. Mais bon, là en l'occurrence, bon, le sgeg avec le cœur, c'est un peu bizarre quand même. Bon. Ouais. T'as vu on t'a demandé des fois de tatouer des trucs un peu dingues, toi? Ouais, carrément. Moi, j'ai eu une récemment, parlant de beat, j'ai eu une. Bon, par contre, c'est une idée assez sympathique. J'ai eu une banane en fait, avec la peau tirée et le bout c'était un gland. Mais c'est le mec qui avait fait le dessin et c'était plutôt joliment fait. Ah, donc, d'accord. Ouais. Et il le portait super bien, donc c'est ça qui était drôle, tu vois. Donc du coup, j'ai trouvé l'idée assez drôle. Pour le coup, c'était fun et je l'ai fait. C'était assez cool, quoi. Mais est-ce qu'il t'arrive franchement de dis-nous la vérité, Louis. Il y a quelqu'un qui vient te voir avec un modèle et tout qu'il a dessiné. Et toi, franchement, tu trouves que c'est de la merde. Mais le mec, il le veut de ouf. Tu lui fais ou pas, ou tu lui dis franchement, je vous conseille peut-être de. Non, je lui fais pas, quoi, parce que bon, déjà, j'ai une conscience professionnelle, je lui donne mon avis, mais avec une certaine diplomatie. C'est-à-dire que je vais pas lui cracher à la gueule en disant, mec, t'es qu'une merde, ce que tu m'amènes, c'est de la daube. Je vais dire, écoute, bon, moi, je pense que je vais t'emmener sur tel ou tel du chemin, c'est-à-dire, je peux te proposer ça ou ça, mais je vais pas trop te faire, après, je lui explique graphiquement, ça marche pas très bien, c'est pas très abouti, mais je vais pas lui cracher à la gueule, quoi, clairement. Et t'en as eu des clients qui viennent aussi avec les initiales du prénom de l'ex et tout, ça arrive ça? Ouais, alors j'ai beaucoup, dans notre métier on a quand même beaucoup de gens qui viennent se faire des lettrages, des initiales. Moi j'aime bien demander d'abord à qui correspondent les initiales et qui, par exemple, je sais pas, la nana qui vient se faire tatouer, je sais pas, Sébastien ou Nicolas. Ouais. Je lui dis, qui est cette personne? Alors souvent c'est, je sais pas, c'est mon frère, mon cousin. Après, bon, ça j'accepte. Quand c'est mon mec et tout, c'était 3 mois que je suis avec, déjà je refuse. Ah ouais, théoriquement parlant, là, tu sais, c'est les petites nanas, elles ont 22 ans. Ça fait 3 mois qu'elles sont avec leur mec, ça marche. Voilà, ça, c'est un petit peu, tu vois, de la poudre aux yeux. Ouais. Donc du coup, pour éviter qu'elles le regrettent 2 mois plus tard, par exemple, je leur dis non, je suis désolé, c'est pas pour moi, ça marche pas, ça tient pas la route. Ça se trouve, ton mec, dans 2 jours, il va te quitter et toi, tu vas être malheureuse. Et après, tu vas en chier pour enlever ton tatouage tu vas en chier parce que il t'aura largué, quoi. Donc voilà. C'est important effectivement de maturer l'idée du tatouage. Hein. Tous les gens qui viennent sur un coup de tête, en sortant de boîte quand ils se font bourrer. Moi aussi, mes tatoueurs et tatoueuses, c'est toujours ok. On va prendre du temps, on va réfléchir. Vous êtes sûr? On va vous faire un calque et patati. Vous regardez, vous le portez, vous revenez, vous en parlez à vos amis. Enfin, vraiment, il s'agit de beaucoup beaucoup le maturer. Moi, le premier tatouage que j'ai fait, j'ai passé des années à lutter contre en me disant non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Et puis finalement, un jour, ça s'est imposé en disant ok, non, je suis prêt à le faire, maintenant j'assume. Mais c'est vrai que le premier tatouage, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et puis après, une fois que t'en as fait un, t'as envie de faire tout le corps. Hein. Non, c'est vrai. Et merci beaucoup, Louis. Louis, pour savoir avant de partir, tu ferais le nouveau tatou d'Alice gratuitement, Louis? Elle est la bienvenue. Après, gratuitement, on verra, mais elle est la bienvenue quand on en parle. J'adore. Ouais, c'est pas grave. Désolé, je suis pas marchand de tapis, les enfants. Désolé. Il y a pas de problème, Louis. Je demandais, c'est tout, hein, bien sûr. Ah oui, on essaye. Hein. Oui, c'est sûr, tu fais bien. Alors, faut essayer dans la vie, c'est comme ça. Hein. Absolument. Merci, Louis. C'est cool d'être venu, en tout cas. Salut, Louis. À tous. Ciao. Salut. Romain, pour finir, notre auditeur du soir, je crois que t'as des tatouages sympathiques, toi, Romain. J'étais parti à Orléans avec ma copine un week-end et du coup on avait décidé de se faire tatouer, donc on trouve un tatoueur à domicile, un vieux tatoueur, quoi. Ouais. Mais on savait pas sur le coup, et du coup moi je voulais faire la date de naissance de ma grand-mère sur le poignet droit, et en chiffre romain, et le gars me fait le tatouage et tout. Et le soir, quand on retourne à l'hôtel, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, je me suis rendu compte que ma grand-mère, elle est née en 1927, et en fait, j'ai oublié un X, donc dans l'écriture, donc ça faisait 1917, quoi. Du coup, c'était samedi soir, j'étais en galère, je fais putain, je suis vraiment con et tout. Donc le tatoueur, je l'ai harcelé carrément, hein, donc j'y suis retourné le lendemain, donc il m'a rajouté un antiques, et, mais bon, ça faisait dégueulasse, donc au final, je l'ai fait recouvrir. D'accord. Et t'en as d'autres ? Ouais, j'en ai d'autres. Après, c'est sous les épaules, en dessous de l'épaule, c'est les lettres de mes sœurs. Ok, ah bah ça c'est mignon, ça. Je trouve ça super. Ouais. Et chaque, enfin voilà, chaque personne a son histoire de tatouage. Et des fois, il y a rien du tout, il y a pas d'histoire. Exactement. Voilà. Et c'est le truc, c'est juste de l'assumer, quoi. Alors, il faut avoir plus de 18 ans pour faire un tatouage. Je le dis quand même. Hein. Ou alors, est-ce qu'on peut le faire avant 18 ans avec une autorisation Avec une autorisation parentale. Il faut qu'elle soit à côté. Ah ouais, d'accord. C'est, je suis même pas sûr que c'est juste l'autorisation parentale. Je crois qu'il faut que les parents viennent avec. Bien sûr, ouais, c'est les parents qui tatouent le mec en fait. Comme ça t'es sûr que là ça sera nickel. Merci, merci à tout le monde en tout cas, Alexia, Kevin, Dylan, on vous fait des gros bisous les amis. Vous voulez rajouter un truc avant de partir ? Oui. Ah bah tu veux dire quoi Dylan ? Vive la France et vive la République. Très bien. Merci monsieur président. C'est con putain celui-là. C'est Dylan hein, qui s'est tatoué une bite hein. Je vous le rappelle. Et j'embrasse Maddy, une auditrice qui s'était tatoué mon prénom. Oui, exactement, c'est vrai. C'est fou cette histoire. Ouais, Karel, elle a Karel inscrit sur elle et tout. Ouais, enfin, elle a pas que ça, elle a aussi plein d'autres conneries tout autour sur son mollet, elle faisait plein de paris et parmi toutes ces petites marguerites mal faites et les prénoms de ses potes, c'est vrai qu'elle a fait le tir. Pourquoi tu veux toujours m'enfoncer, Alexia? Je veux pas t'enfoncer, mais la pauvre, quand même, on l'a pas obligée à tatouer son prénom. Mais elle s'est fait kiffer, c'est vrai. Ah non, moi je l'embrasse très fort. En tout cas, je pense à elle depuis, elle l'a bien évidemment enlevé. Hein, non. Non, elle l'a toujours. Ah bah oui. Tézio, t'es là? Ouais, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut Tézio, c'est ton vrai prénom, Tézio? Exactement. D'accord, c'est plutôt original, c'est d'où ça, Tézio? Bonne question. Je crois que c'est le prénom de quelqu'un dans ma famille qui est décédé. D'accord. Eh ben écoute, voilà une histoire charmante. Ça fait plaisir. Tézio, tu nous appelles pourquoi ? Bon, en fait, moi, je vous appelle parce que j'ai fantasmé sur ma mère et je voulais savoir si c'était normal. Bien sûr. J'ai envie de faire l'amour à maman. Est-ce que c'est normal ? Tézio, reste avec nous, on va t'aider. Hein ? On va te sortir de ce cauchemar. 01 42 48 5000 et Marshmello, qu'est-ce que c'est bon ça ? Marshmello dans 3 minutes sur Fun Radio. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Votez maintenant pour vos DJ préférés. Fun Radio DJ Awards is amazing. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir les catégories, les DJ et voter pour les soutenir. Hey everybody, this is Armin van Buuren. Salut, c'est DJ Snake. C'est Koons. Hey, what's up, it's Martin Garrix. Votez pour moi. Please vote for me. Votez pour vos DJ préférés, funradio.fr. Fin des votes, le mardi 16 octobre. Fun Radio DJ Awards. Eric, c'est toi ? Hé, hey, Julie ! Tu vas bien ? Ouais, je vais à l'aéroport, là, j'ai un avion dans 2 heures. Oh, c'est dommage, on aurait pu prendre un verre. Ah, bah, avec plaisir. Mais t'as pas un avion dans 2 heures ? Oui, enfin, je voulais dire demain soir. Avec EasyJet, il est possible de changer l'horaire du départ jusqu'à 2 heures avant le décollage. Et ça change tout. Voir conditions sur easyjet.com. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Waiting for you. Look like you need a friend. Look like ship waiting for you. For a minute you can use my love. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Here we go. On est là tous les soirs en direct sur Fun Radio du dimanche au jeudi. Le numéro de téléphone pour nous appeler, le 01 42 48 5000. Je suis sur l'Instagram là, l'Instagram de Fun Radio. On vous a publié une petite photo de l'équipe. On voit Alice, on voit Doc aussi. Et vous commentez en mettant votre âge. Voilà. Donc moi je vais mettre le mien là, tout de suite. Voilà, ça y est, c'est fait. Et n'hésitez pas à mettre votre âge à vous aussi, justement, si voilà, vous voulez tout gagner simplement votre pack. Exactement, gagner votre pack, oui. Love in Fun. Vous lâchez dans les commentaires avec votre âge et on fera un tirage au sort pour gagner le pack Love in Fun, le pack Fun Radio à l'un d'entre vous. Attention, ne ment pas sur son âge. Ah non, bah sinon on va aller vérifier. Bien sûr, c'est très important. Romain, tu as commenté notre auditeur du soir ? Ouais, j'ai commenté, ouais, bien sûr. Allez, alors tu as mis 22 ans. Ouais, c'est ça. Tu as liké, alors on va vérifier si tu as commenté. Si tu m'as menti, tu seras expulsé de l'auditeur du soir ce soir. D'accord, pas de soucis. Ok, il est en train de le faire. On se fait une question à la con, attention. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Merci d'être avec nous sur Fun Radio, c'est l'heure de la question à la con. Et nous allons accueillir Romain, notre auditeur du soir. Romain, t'avais une question à la con ce soir, toi? Oui, bah ça va, on vient de se dire bonjour. Allez, vas-y Romain. Ouais, alors moi je voulais savoir, est-ce que si les femmes tirent trop fort sur leurs tétons, ça peut dégonfler leurs seins? Alors tu sais quoi, ça c'est une question qui fait rigoler Kassim, c'est que ça doit être vraiment être très très con. Non mais est-ce que... Non. Non, Doc. Oh, je vais laisser répondre Alice. Ah, Alice. Bah, je sais pas, tirer sur mes tétons. Oh non, j'aurais trop peur qu'ils se dégonflent. Non, j'aurais trop peur qu'ils se dégonflent. Non, en général, quand tu pinces ou tu tires sur les tétons, ça les fait pointer, mais c'est tout, quoi. Ah, oui, j'ai une autre question. Du coup, j'en profite, Romain, parce que ta question, c'était vraiment de la merde. Est-ce que vous êtes les filles, est-ce que toutes les filles sont sensibles des tétons ou parfois, genre, les mecs, ils focalisent un peu là-dessus en serrant un petit peu, machin, et en fait, ça vous fait pas de bien? Bah, écoute, j'en ai parlé avec plusieurs de mes copines. Autant j'ai des copines qui sont hyper sensibles dès qu'on leur touche le téton, c'est vraiment une putain de zone érogène. Hein. De toute façon, ça dépend des personnes. Les zones érogènes, c'est vraiment en fonction des gens. Ouais. Et moi, je sais que pour le coup, je suis pas sensible. Mais même, tu vois, genre, ça me fait pas mal. Quoi. On peut me serrer super fort le sein, j'ai pas mal. Alors que j'ai des copines qui, tu vois, elles se prennent un petit coup dans le sein. C'est oh mon Dieu, elles sont très sensibles. Donc je pense que ça varie en fonction des personnes. Hein. C'est très excitant quand Alice parle de sa poitrine, bien sûr. Alors, pressez-moi le sein, j'ai pas mal. Mais bien sûr. Et bien voilà, on a fait le tour. Merci Romain pour cette question à la con. Je rappelle qu'ici, vous pouvez poser toutes les questions et même les questions les plus connes. On a Tézio qui est avec nous. Alors là, c'est pas une question con, c'est une question chelou, Tézio. T'as 14 ans, t'es à Paris, qu'est-ce qui t'amène? Bah, en fait, moi je l'appelle parce que je fantasme sur ma mère. En fait, tout a commencé en fait par j'ai rêvé la nuit d'elle. Ça m'a fait une fixette dans la tête. Attends, dans le téléphone, Tézio, dans le téléphone. Parle dans le téléphone. Oui, je parle dans le téléphone. Ouais. Je la connais l'histoire, mais tu captes pas. Alors, parle bien dedans. Donc, ça a commencé. T'as rêvé de ta mère. Tu faisais quoi dans ce rêve? Que je lui faisais l'amour. Enfin, j'ai pas contrôlé ce rêve là. Oui, non, mais c'est un rêve. Et... donc tu contrôles pas. Et donc tu faisais l'amour à ta maman. Voilà, exactement. Et donc du coup, ça m'a donné envie de me la taper. Et je trouve que je me sens pas normal et je veux en parler à personne, même pas à mes amis, à ma famille, parce que je trouve ça vraiment trop gênant. Alors, parle pas trop près du téléphone non plus. Hein, non, parce que là, t'es vraiment collé. Alors, Doc, il faut que tu rassures Tézio. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Ah oui. Non, ça existe, c'est fréquent. C'est plus fréquent que ce qu'on croit, puisque personne n'en parle. Ouais. Voilà. Bien sûr. Maintenant, c'est pas anormal du tout. Il est normal. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est quand même plus jeune. Quand t'es plus petit enfant, on a tous envie de sortir avec notre mère. Tous. Oh, ouais. Voilà. On a six ans, quoi. Voilà, c'est ça. Mais à un âge où on efface ensuite tous les souvenirs, donc on les garde pas. Et puis, on a aussi envie d'arriver à séparer notre père de notre mère pour partir avec notre mère. Bon, d'accord. Voilà. Tout ça, c'est des désirs inconscients qui sont complètement constructeurs. Ça nous construit dans notre personnalité et c'est strictement normal. Évidemment, ça passe. Bon, toi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un rêve. Un rêve, c'est quoi ? C'est un désir inconscient qui est venu s'exprimer. Ça n'a rien de dramatique, ça peut arriver à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. C'est très fréquent. Et puis, c'est pas parce que tu rêves de quelque chose que tout de suite, ça a un caractère ignoble, effrayant, atroce, je suis pas normal, voilà. Ni non plus que ça devienne une réalité et que ça, tu en fasses un désir. Faut juste te dire, ok, eh ben mon inconscient, il a exprimé, voilà, dans un rêve, ce désir-là, qui est un désir normal. Hein, ça arrive à tout le monde. Bon, voilà, normalement un peu plus jeune, là, t'es un peu plus grand. Ouais. Voilà, ça va passer, c'est rien. Ton inconscient l'a exprimé pour que ça le sorte. Le rêve, ça a aussi une vertu cathartique, c'est-à-dire que ça fait sortir les choses, ça fait sortir les désirs, ça fait sortir les angoisses. Voilà, c'est sorti, c'est éliminé. Voilà, passe à autre chose. Sauf que là, tes yeux, t'as quand même... Bah, il a fixé dessus, ouais. Ah, mais là, t'as quand même... Si par exemple, tu pouvais coucher avec ta mère, tu le ferais ou pas ? Je dirais pas non. Après, je sais pas si je le ferais, mais je dirais pas non. Oh putain, non, c'est grave ça. Ouais, c'est chaud quand même. Tes yeux, c'est ta maman. Elle a... Enfin, je veux dire, ton papa est toujours là. Non, ils sont divorcés. Ils sont divorcés. Mais elle a un compagnon ? Elle a quelqu'un dans sa vie ? Non, en ce moment, elle est célibataire. D'accord. Et ça fait partie de... Est-ce que, par exemple, des fois, il t'arrive de te masturber ? Parce que là, c'est plus du rêve. Et en te branlant et en pensant à ta mère. Ça arrive, oui. Oh, putain, c'est chaud. Je peux penser à des amis, à des meufs dans ma classe. Enfin, voilà. C'est pas non plus mon centre. C'est pas le centre du monde. Mais voilà, ça me vient souvent l'idée. Voilà, donc tu fais un peu une fixette dessus. Mais en même temps, quand tu te masturbes et qu'il y a elle, il y en a aussi d'autres. Bon. Voilà, il faut que tu passes à autre chose, effectivement. Voilà, il y a d'autres filles, hein, que ta mère, et voilà, faut vraiment que tu passes à autre chose. C'est un tabou fondamental qui est dans l'espèce humaine, qui est dans toutes les civilisations. Ça, toutes les études ont montré en sociologie à travers le monde que c'est vraiment un truc essentiel à l'espèce humaine. On ne couche pas avec ses parents. Point. C'est fondamental. On peut pas faire sans. Donc oui, bon bah il faut que tu l'élimines. Ça va passer. Maintenant que tu sais tout ça, que tu l'as entendu, passe à autre chose. Il y a d'autres filles. Ok, je vais essayer. Oui, ouais. Ça va venir. Mais ça va peut-être pas passer là tout de suite, du jour au lendemain. Hein, il reste mamie. Ouais. Oh non. Pardon. Pas ta sœur non plus, hein, s'il te plaît. Non, mais voilà. Alors c'est intéressant, Tézio, tu vois. T'osais en parler à personne, tu nous en parles à nous. Donc il dédramatise un petit peu, c'est pas si grave. Nous, on trouve ça ouf, mais je sais pas si t'en penses quoi, toi, d'ailleurs, Alice. Bah écoute, forcément, je trouve ça un peu perturbant. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment flashé sur mon père, mais j'imagine que c'est pareil aussi pour les filles quand elles sont plus jeunes avec leur papa, machin et tout. Mais bon, je pense que quand tu vas rencontrer une fille qui... Je pense que tu penses... Enfin, pardon. Qui ressemblera à ta mère. Non, c'est pas ça. C'est que pour l'instant, tu n'as pas rencontré de fille que tu estimes autant que ta propre mère. Voilà comment je ressens les choses. Et que tu penses que c'est la meilleure femme que tu connaisses. Mais quand une autre fille va arriver dans ta vie et qu'elle sera au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer, bah, ta mère, elle n'existera plus du tout. Ouais, j'espère trouver une fille à mes attentes un jour. Ben, oui, ça mais va bien venir, sûr, Tézio, t'as 14 ans. Mais oui, elle sera mieux que ta mère, hein, t'inquiète pas. Ah, ouais, oui, non, mais c'est vrai que ta mère, c'est la meilleure femme qu'il y a au monde jusqu'à présent. Hein. Voilà, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Il y en a d'autres. Bon, voilà, c'est la transition. Ça peut te servir aussi de masque un peu. Pendant que tu fais fixette sur elle, eh ben, justement, tu t'intéresses pas à d'autres. Et c'est dommage. D'accord, Tézio ? D'accord, ok. Bon, eh ben, te masturbe pas ce soir. Tu attends encore une petite semaine, hein, d'accord ? Je compte sur toi, Tézio. Oui, ça marche. Salut Tézio, ciao à toi. Salut. Salut. Et dans un instant, on va jouer l'exam Love in Fun. Ce sera Maxime de Nîmes. Bonsoir, Maxime. Bip, bip. Salut. Ce sera le buzzer de Maxime. Bonsoir, Laurine. Bonsoir, moi ce sera Big Mac. Big Mac. Oh, salut. Big ça se ressemble. Mac, ça se ressemble un peu, vous avez changé tout ça les le amis. Le début, ouais. 01 42 48 5000. On va jouer dans un instant, vous allez passer l'examen avec le diplôme Love in Fun à gagner. Vous débarquez tous à l'antenne au 01 42 48 5000. Et là maintenant, on se met Marshmello sur Fun Radio. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. Marshmello et Happier sur Fun Radio. Apéro surprise! Passe ton examen dans Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Et dans Love in Fun, tous les soirs, vous passez l'examen. Et c'est incroyable. C'est incroyable, je vous assure, le nombre d'inscriptions qu'on a tous les soirs pour gagner son diplôme Love in Fun. Alors, le diplôme est prêt. Hein, on en ah est oui. Où Alice sur la création du diplôme? Le diplôme est prêt, nous l'avons signé, il a été tamponné comme on dit, il est en pleine impression et on a préparé tous les packs, on n'a plus qu'à le glisser et hop, le et diplôme alors, arrive chez vous. Alors franchement, pour pas vous mentir, le diplôme il est plus beau que celui du bac. Ah bah oui. Non, c'est vrai. Ah oui, c'est tous les diplômes. On a hâte de vous le faire découvrir, on vous postera une petite photo là très très bientôt. En tout cas, vous ne jouez pas pour rien, je vous le dis les amis. En plus, vous gagnez votre pack Love in Fun, des entrées pour aller voir le film à la 2. Et ce soir, nos deux candidats s'appellent Maxime, 18 ans de Nîmes. Bip bip. Maxime, donc ce sera ton buzzer ce soir. Maxime, t'es un Nîmois, t'es en forme Maxime? Super, tout va bien, on a la patate. La patate, et ce soir tu veux gagner ton diplôme? Ah ouais, ouais, me le faut, moi. Qu'est-ce qui t'a poussé? T'as déjà eu des diplômes dans ta vie, toi? Bah, j'ai eu le bac il y a 3 mois. Et bah. Puis, c'était déjà bien. Oui, mais bien sûr, mais bon, c'est de la merde à côté du diplôme Love in Fun. Je veux dire. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Laurine est avec nous de Poitiers. Bonsoir, Laurine. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Laurine. Il y en a plein qui disent que Poitiers, c'est une ville un peu morte. Il n'y a que le Futuroscope. S'il y avait que Poitiers encore. Dis-nous la vérité sur Poitiers, Laurine. Bah, s'il y avait que Poitiers encore. D'accord. Ah, c'est partout pareil. Ah, tu n'aimes pas ta ville, c'est ça? Non. Oh merde. Non, mais c'est vrai. Non, mais merde. Tu sais, moi, je voulais mettre en avant Poitiers. Hein, parce que c'est. Des fous là-bas. Non, mais c'est. Alors, ça, généralement, tu commences à penser ça de sa ville, ça de ta ville quand t'as vraiment envie de te barrer, de te casser ailleurs. Non, mais moi, je suis juste un petit village à côté, donc ça va, je suis pas dans Poitiers même. Bon, ben, on embrasse tous les habitants de Poitiers, qu'on appelle d'ailleurs les Poites. Les Poitevins. Poitevins, Poitevins. Bien sûr, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Comme les habitants du Poitou, en fait. C'est la même chose. Voilà, d'accord. Exactement. Et ben, et donc, ça fait plaisir un petit peu de culture dans cette émission. Hein. Tu sais ce qu'on dit sur les animateurs radio, c'est stupide. Alors, Laurine face à Maxime ce soir, on y va? Oui, c'est bon. 10 questions, le premier qui pense avoir la réponse buzz. Et si c'est une mauvaise réponse, il y a toujours un droit de réponse de l'autre candidat. Première question, de tout le règne animal, quel est celui qui bande constamment? 3 propositions. Le lapin, le doc ou l'alligator? Petite culotte. Petite culotte, c'est Laurine. Le lapin. Le lapin, mauvaise réponse. Oui, Maxime. L'alligator. Oui, et le doc, on prenait aussi. Hein. C'est vrai qu'il est souvent en érection, doc. Bravo, bravo. Le public est là. C'est On dirait le public des grosses têtes. Ils sont deux. Alors, selon le théorème de Pythagore, A au carré plus B au carré est égal à... Bip, bip. Ouais, vas-y, Maxime. AB carré. Non. Laurine. Oui, tu peux me redire, s'il te plaît. Selon le théorème de Pythagore, A au carré plus B au carré est égal à... Bip, bip. Non, c'est fini, toi. Oui, Laurine. Le premier. Non, mais il n'y a pas de proposition, ma chérie. C'est le théorème, c'était C au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais bien sûr. Bien sûr, merci public. C'est de pire en pire. Je vous le dis, ce jeu, c'est de pire en pire. On fait un petit récap des points, Alice. Un point pour Max. Merci, Alice. Alors, troisième question. Le premier qui rote gagne un point. Il faut d'abord buzzer et ensuite roter. Oui, Maxime. Bonne réponse, Maxime. Bonne réponse. Bravo. Elle a failli vomir, mais elle a failli buzzer. C'est pas facile quand même. Et Laurine, ça va? Surtout 2 fois de suite. C'est ça, ouais. Ah ouais. C'était une performance, le truc. Ok, c'est pas dangereux de roter. Mais moi, je suis une grosse merde, moi, à côté, là. Ça va, Laurine. Te dévalorise pas. Déjà, t'habites à Poitiers. Je plaisante, bien sûr, pour tous nos amis Poitevin et Poitevines qui nous écoutent. Quelle est la taille moyenne d'un vagin? Est-ce que c'est 12 cm, 19 cm ou 25 cm? Petite culotte. Ouais, on t'écoute, Laurine. 12 cm. Elle connaît la taille de son vagin. C'est la taille moyenne. Hein. Alors, c'est vrai que c'est assez fou parce que 12 cm, et pourtant, souvent, nous les mecs, on l'a peut-être un petit peu plus grande que 12 cm, on a l'impression de pouvoir tout rentrer. Donc, comment tu expliques cela? T'en as juste l'impression. Ah oui, c'est ça en fait. Bah oui, il y a quand même un morceau qui reste dehors. Oh mais non. Moi, des fois, il y a tout qui est dedans, hein, je te le dis, Doc. Hein. Ah bon? Attends. Non, mais il y a plein de filles où c'est quand même extensible. Si tu tapes au fond. Bah, oui, non, mais même, je veux dire, franchement, moi, j'ai jamais connu de top de 12 cm et j'ai toujours tout rentré. Et bra! Oh! Laurine, t'as déjà tout rentré? Ça arrive, oui. Alors, je rappelle que c'est une moyenne, hein. Peut-être qu'Alice, c'est 25 cm. Non, quand même pas, mais bon, forcément, ça dépend des moments. Des jours, tu peux pas tout rentrer, et puis quand t'es vraiment très excité ou quoi que ce soit, c'est quand même assez extensible à ce niveau-là. Voilà. Surtout. Eh bien, voilà. Et alors, complétez cette expression. Qui vole un œuf? Il faut buzzer. Qui vole un œuf? Ah, je peux pas croire que vous sachiez pas. Alors, je vais vous aider. Une proposition au moins. Ouais, alors faites-moi une proposition. Qui vole un œuf? Oui, Maxime. Vole une poule. Vole une poule. J'en étais sûre, je l'attendais. Laurine, qui vole un œuf? Bah. Ça rime. Ça rime. Vol un. Oh, vous êtes nul. Hein. Alors, c'était qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais, j'ai pensé après. J'ai une pensée pour tous ceux qui nous écoutent et qui l'avaient et qui se disent putain, mais c'est pas possible qu'ils sachent pas. Hein non, ouais, c'est ma petite sœur, elle nous écoute là. Non, mais alors, c'est toujours plus facile quand on n'est pas dans le jeu. Hein, c'est ce qu'ils disent toujours les animateurs télé. C'est toujours plus facile derrière son écran de télévision hein, plutôt que quand on est dans le jeu. Alors, de quoi se remplit la verge lorsqu'elle rentre en érection? Trois propositions. D'air, de sang ou de sauce blanche, bip, salade, tomate, oignon. Bip bip. Oui, bip bip, Maxime. De sang. De sang, c'est une bonne réponse. Bravo, tu connais ton sexe. Merci. Merci, aïe. Ils font de la peine les deux à applaudir au fond, là, sérieux. Allez, arrêtez. Alors, petit récap des points, Alice. 3 points pour Max et 1 point pour Laurine. Allez, Laurine, il faut se rattraper, là. Hein. Oui, bah oui. Allez, t'es une fille. C'est facile aussi. T'es une fille, je te donne un point de plus. Bah attends, voilà. C'est quoi, t'es une fille, je te donne un point de plus? Ouais, du sexisme. Genre, tu pars avec un handicap, donc je te donne un point de plus, mais non. N'importe quoi. Attends, mais tu vois, ça, c'est la psychologie féminine. Mais non, c'est la maladresse masculine, tu veux dire. Mais pas du tout. Mais bien sûr. Mais pas du tout. Je lui donne un point de plus parce que c'est une femme et que j'aime les femmes. Voilà ouais, pourquoi. Ouais, c'est ça s'appelle du sexisme, c'est du favoritisme. Bah, ouais, vous me faites voilà. Chier avec votre sexisme. Bah, c'est pas sur un pied d'égalité, voilà, c'est tout. Eh ben, tu sais quoi, Laurine, je suis bien content que t'aies qu'un point. Voilà. Tous vous faire foutre. Alors, c'est parti, nouvelle question. Je suis jaloux. Arrête de m'agacer, sinon je t'enlève un point. Dites-moi le lieu le plus original où vous avez fait l'amour. Bip bip. Oui, Maxime. Dans l'avion. Ça marche, un avion, c'est plutôt original. C'est vrai, tu l'as vraiment fait ça, Maxime? C'était assez spécial. Pourquoi? Bon, parce que c'était particulier, disons, c'est assez original. Ouais, t'es en train d'inventer, quoi. Ok, alors, épeler, nouvelle question, épeler le mot gland. Bip, bip. Oui, Maxime. G-L-A-N-D. Voilà. Et Laurine. Oui, bah, je voulais le dire. Là, t'es un petit peu en retard, hein, quand même, hein, souvent. Allez, Laurine. Une question justement sur tes compétences de traductrice. Traduisez-moi cette phrase en anglais. Brian is in the kitchen and he's fucking his girlfriend. Bip bip. Oui, Maxime. Brian est dans la cuisine et il fait l'amour à sa copine. Ouais, alors fuck, c'est plutôt baiser, mais c'était ça. Brian est dans la cuisine et il baise sa petite amie. Bonne réponse. C'est bon. Nouvelle question. Et je pense que c'est pour du beurre. On termine avec cette question. Eh ben non, je la pose pas. Comme ça, ça m'en fera une de moins à faire demain. C'est donc une victoire de Maxime. Ouais, ce soir. Bip bip. Bip bip, Maxime. Ouais. Bravo, Maxime. Félicitations, mon pote. Merci. Eh ben voilà, et Laurine, un mot quand même sur ta défaite pour expliquer un petit peu pourquoi t'as lose là ce soir. Bah je sais pas, le stress peut-être, tout le monde m'écoute donc. C'est vrai, il y a qui t'écoute là en ce moment, Laurine? J'ai ma maman qui m'écoute, ma petite sœur et mon beau-frère s'il dort pas. D'accord, et bah tu sais quoi, Laurine, finalement j'ai changé d'avis, c'est toi qui gagne. Bravo, Laurine. C'est juste pour ta mère, hein, pour qu'elle soit fière de toi, mais en vrai t'as pas gagné. Laurine, on va quand même t'envoyer le pack Love in Fun, et pour Maxime c'est le diplôme, le pack Love in Fun. Oui, Maxime. Est-ce que je peux passer un petit mot? Et un petit mot dans toute la France, on t'écoute. Une grosse dédicace à Mandougui ainsi qu'à tous mes rails et à Clara. Et surtout, Karel, je voulais te dire que je t'écoutais depuis la libre antenne. Ça fait des années. Bon, en vrai, ça me souvient. J'ai jamais fait ça, moi. Ouais, c'est Love in Et Fun. Et du coup, je voulais savoir si t'étais resté en bon contact avec les anciens collègues, on va dire, de la libre antenne. Je les détestais tous. Hein, je te le dis. Le pire, c'était le gros Tony. Hein, je le détestais, voilà. Non, je les connais bien, je les aime toujours, tout va bien, j'embrasse Tony, okay. Jeff, Sandra, sauf Mélanie. Mélanie, c'était pas foufou. Non, je l'embrasse aussi. Salut. J'arrête de dire n'importe quoi. Salut Maxime, salut Laurine, salut, ciao. Salut. Gros bisous. Salut. Et on va retrouver Romain sur Fun Radio, 22 ans de Nancy, l'éducateur sportif. Salut Romain. Salut Karel, salut Alice, salut Doc. Salut, tu nous appelles pourquoi, Romain? Alors ça fait 2 semaines que je n'ai pas couché avec ma copine.

me cette facito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Taki Taki, le nouveau DJ Snake avec Selena Gomez sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Love in Fun. Love in Fun sur Fun Radio, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que vous passez une bonne soirée. C'est Love in Fun, je m'appelle Karel. Doc est là, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Bonsoir, Doc, sexologue, je le rappelle, qui pratique différentes passions dans la vie. Quelles sont vos passions, Doc? Beaucoup le théâtre. Tu vas souvent au théâtre. Et tu vas avec qui quand tu vas au théâtre? Des amis. Des amis. Mmh. Des amis, eux? Oui. Ah ouais? Aussi. Et t'as quelqu'un dans ta vie, Doc, en ce moment? Non, j'ai déjà dit, je suis célibataire. Célibataire? Ouais, non, mais ça peut changer le week-end, je sais pas, vu que. Ah oui, je suis célibataire la semaine et j'ai quelqu'un le week-end. Ah ouais, c'est étrange comme concept. Non, bah, je ne sais pas, Doc. chacun fait. Non, célibataire. Ah oui, complètement. Et 100% du temps. Tu cherches ou. Non, je laisse faire la vie. Ah putain, c'est une belle réponse. Mmh. Je laisse faire la vie. J'ai cherché et non, ça marche pas. Normalement, c'est ceux qui galèrent un peu qui disent ça. Je laisse faire la vie. C'est bien. Ok. Alors, je rappelle qu'on a lancé un petit concours sur l'Instagram de Fun Radio. On vous a posté une petite photo de Love in Fun. Lâchez-nous votre âge. Hein. Vous nous dites quel âge vous avez là. Allez-y. Et puis, allez liker la petite photo qui va bien. Vous participerez comme ça à un concours qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de gagner un pack Love in Fun. Là, maintenant, on va accueillir Romain qui est en galère. Bonsoir, Romain. Salut, Karel. Salut Romain. Salut. Bonjour à tout le monde, Romain. Bonjour. Ouais. Un bug. Sois poli quand même. Hein, Romain. Ouais. Alors Romain, tu nous appelles pourquoi? Alors, j'ai un problème parce que en fait, je n'arrive pas à me décaloter en érection. Bah pas complètement en fait. Depuis quand? Depuis toujours en fait. Je l'ai remarqué la première fois quand j'ai passé à l'acte il y a 2 semaines avec ma copine. C'était ton premier rapport sexuel il y a 2 semaines? C'est ça, ouais. Eh oui, d'accord. Ah ouais. Je comprends. Oui. Bon, Je l'ai remarqué en fait. Donc je comprends, mais j'ai pas compris tout de suite parce que j'ai mis le repos, il arrive en érection, j'arrive pas complètement en fait. Oui, en général, avec la masturbation, on apprend soi-même avec sa propre main et son corps, et donc on s'adapte, et puis on fait avec, et ça pose pas de problème. Ouais. Mais évidemment, quand on est dans un rapport sexuel avec une partenaire, et au moment de la pénétration, là, ça va coincer. Mais c'est-à-dire, en fait, ça bloque, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, il y a phimosis, c'est-à-dire que le prépuce est trop court, ouais, trop petit, et donc du coup, au lieu d'avoir suffisamment de peau pour descendre, ça reste en haut. Ça reste bloqué en haut du gland, quoi. Voilà, ça ne peut pas descendre. Donc, mais ça peut se déchirer. Aïe! Ça fait assez mal. Waouh! Voilà. Bon, il peut y avoir des petites fissures qui se produisent à un certain nombre de rapports sexuels. Du coup, la peau s'élargit. C'est une façon de faire. Ce qu'on conseille énormément, c'est les pommades à base de cortisone. Voilà. Alors, à la masturbation, plutôt, évidemment, c'est de se masturber avec une pommade à base de cortisone. Ça peut détendre la peau, la ramollir, etc. Bon, si au bout de quelques semaines, ça n'a pas fonctionné, faut se faire opérer, hein, c'est la circoncision. Ah ouais, voilà. Putain, Romain, il y a peut-être une opération, là, du coup, là. Oui, bon, c'est une opération très courante. Après, hein. Après, voilà, je sais que mon père a eu une opération, ça lui a, s'il a pas empêché de me faire moi et mon frère, donc voilà. Bien sûr, c'est juste chiant. Mais alors moi j'ai un souvenir, je sais pas si t'as souvenir de ça, Romain, et à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression d'être le seul à avoir vécu ça. J'ai un souvenir où j'étais école primaire, tu vois, et on était tous passés, nous les garçons, auprès d'une infirmière qui nous avait examiné le sexe. Pour justement décaloter. Oh là, chelou. C'est en Bretagne, ça. Non, on n'a pas eu. J'ai eu le droit à 15 ans de me faire téter les testicules. Voilà, c'est tout. Mais sinon. Oui, ça, c'est normal. T'as pas eu ça. Alors, peut-être. C'est chelou ton histoire. Alors, peut-être que c'était en fait pour toucher les couilles et que j'ai peut-être fantasmé sur un décalotage. Je vous avoue que moi et la mémoire, des fois, j'ai un peu de mal. Mais c'est... peut-être qu'elle faisait les deux, je ne sais pas. Je pense. Dans ton collège catholique. Ouais, non, pas du tout. Non. École, on ne peut plus banale. Mais voilà. Alors, petit souvenir comme ça. En attendant, il y a plein de mecs qui, voilà, à la puberté, se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à décaloter. Et ça, c'est un vrai souci. Souvent, ils ne s'en rendent pas compte à la puberté. Ils s'en rendent compte plus tard, au moment du premier rapport sexuel. C'est souvent à cet endroit-là, parce que quand on se masturbe, bah, on a appris à faire avec. Et ça ne marche pas trop mal. Bon, et que, mais ça peut arriver plus tard aussi. Et de toute façon, c'est une opération qui est bénigne, qui est très couramment pratiquée. Ouais. Voilà. Bon, c'est sûr que pendant un mois, il n'y a pas de rapport sexuel. On peut pas y toucher. Mais ça cicatrise très bien. Et puis après, c'est une sexualité totalement épanouie. Ça ne change absolument rien. Tu vas t'éclater. Notre auditeur du sort, tu veux dire un truc là-dessus? C'est à l'inverse de l'auditeur de Romain du coup. Ouais. Je sais pas si tu connaissais Karel, mais en érection, des fois le gland il est trop gros, donc moi des fois j'ai du mal à recaloter en fait. Ah. Donc des fois ça fait super mal, la peau elle est tendue, donc j'ai du mal à remettre la peau quoi. Alors moi ça m'est jamais arrivé, mais ça existe ça aussi Doc? Oui bien sûr, tout existe, comme il y en a certains qui ont trop de peau, c'est-à-dire que même ils arrivent, enfin c'est jamais complètement décaloté parce qu'il reste de la peau. Bon ben oui, tout existe de toute façon. D'accord, dans la nature. Bah, voilà. Le sexe masculin, elle est comment ta top Kassim? Moi elle est décapotable, moi j'ai plus de prépuce. Alors je roule en décapotable. Donc j'ai pas de soucis moi de décalotage, calotage. Ah ça t'emmerde, attends. Ah bah tu t'es dit j'enlève tout ça, je coupe tout ça. Ouais c'est ça. Enfin c'est pas moi qui ai décidé mais. Oui, c'est ça. Attends, on t'a circoncis, Kassim. Ouais, c'est ça, ouais. À l'âge de, je crois, j'avais 3 ans, on m'a dit. C'est ça. Par rapport à la religion, après, moi, je suis pas du tout religion, mais c'est mon père qui voulait faire ça, et du coup, on m'a emmené à l'hôpital et on m'a coupé la teub, quoi. C'est ça. Et c'est violent. Alors, ce qui est fou, c'est que ton père a gardé le petit bout. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a filé à ma mère, elle l'a du coup en pendentif. Voilà, c'est. Ah, c'est tellement bon. J'imagine trop le truc. On embrasse ta maman, qui nous écoute régulièrement et que je connais particulièrement bien pour. Voilà. On va remonter ton prépuce. Salut Romain, tu reviens quand tu veux et prends soin de ta teub alors. Hein. C'est pas grave, mais. Va voir un médecin. À surveiller. Voilà. Va voir un médecin pour te faire prescrire la crème à la cortisone déjà en premier. Ok, merci. Salut Romain, salut. Ciao à toi. Et dans un instant sur Fun Radio, on va parler de TOC. Si vous avez eu et vous avez peut-être des TOC, hein, c'est des habitudes, hein, c'est des trucs qu'on fait et qu'on répète. Hein, c'est ça Alice, hein, des mauvaises habitudes, ça peut être des petits rituels aussi. Ouais, carrément des petits rituels ou des trucs qu'on fait des fois le soir. Souvent c'est ça le TOC, c'est le fait de vérifier en permanence et il y a des trucs qu'on fait comme ça tout le temps. On sait pas pourquoi, on sait pas comment l'expliquer, mais on le fait quand même. On parle des TOC dans un instant. Venez nous raconter si vous avez un TOC. Vous pouvez pas vous en empêcher. C'est limite maladif hein, le truc hein. Ah, ça l'est, ça s'appelle un trouble obsessionnel compulsif. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Et là maintenant on écoute Chris Cross avec Amsterdam sur Fun Radio. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, and that's the deal, my dear. We're over, you're under, you never have to wonder. You can always play by ear, and that's the deal, my dear. My mom's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, your mouth won't get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. And that makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear, and that's the deal, my dear. That's my only remedy. If you go, I won't survive anymore. Whenever, forever, we're meant to be together. Yeah. There, you'll be near, and that's the deal, my dear. Whenever you're under, you never have to wonder. We can always play by ear, and that's the deal, my dear. Chris Cross Amsterdam avec la voix de Connor Ménard, c'était Whenever sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Romain, notre auditeur du soir, est avec nous depuis 22h. Tout va bien, Romain ? Ouais, tout va bien, nickel. T'es installé où ce soir ? T'es où là ? Bah là, je suis dans mon canapé, je regarde Le Meilleur Pâtissier et je vous écoute en même temps, du coup. Ça, c'est bon. Putain, moi, je me fais des petites rediffs en rentrant le soir de Cauchemar en cuisine. Ah, mais, et tu sais quoi ? Je trouve cette émission, mais. Alors, parfois très triste, mais aussi parfois très drôle, hein, vraiment. Voilà, c'était. Ah bah oui. Mon petit coup de. Ah, t'aimes bien toi aussi, Alice ? Ah, moi, j'adore. J'adore le voir se vénère, dire bordel, elle est dégueulasse ta cuisine, j'ai jamais vu ça. Non, j'adore. Tu regardes quoi, toi, à la télé, Doc ? C'est quoi les émissions que tu préfères ? Plus rien. Doc n'a pas de télé chez lui. Si, j'en ai une. C'est juste que j'appuie plus sur le bouton. Ah oui, d'accord. Bah, tu sais quoi, donne-la-moi, Doc. Donne-la-moi. Bah non, elle est trop grande, elle rentrerait pas. Ah si, je trouverai de la place. Ne t'inquiète pas. Kassim, c'est quoi ton émission préférée, toi, à la télé ? Moi non plus, je regarde pas la télé au final. Oh, si, j'aime bien Quotidien sur TMC. Ah, Quotidien. Ouais, avec qui c'est qui parle là ? C'est Romain, c'est ça ? Ouais, je parle avec ma copine en même temps. Ah, ok, très bien. Vas-y, t'emmerdes pas, tu sais. Désolé. Non, mais voilà, on parle de nos émissions préférées, la télé. Coco, c'est quoi, toi, ton émission ? TPMP. TPMP, d'accord, avec Cyril Hanouna. Et toi, Maloche ? Moi, j'aime trop Le Meilleur Pâtissier aussi. Voilà. Eh ben, tu sais quoi, Romain, t'as trouvé une nouvelle copine. Bon, bah, allez, hein, mercredi prochain, on se fait ça ensemble. Eh ben, voilà. Rendez-vous est pris. Ça fait plaisir pour sa meuf qui est juste à côté de lui. Et on va accueillir Chloé, 25 ans de Reims. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, Chloé. Tu voulais nous parler de TOC. C'est ça. Je voulais vous parler de mes TOC. J'ai ça depuis un bon moment, mais le problème, c'est que, c'est vachement chiante, en fait, du coup, à supporter. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et quoi, tes TOC? En fait, moi, je suis maniaque. Hein, voilà, au moins, c'est dit. Je vais me prendre une douche au moins 3-4 fois dans la journée. Dans mon sac à main, j'ai toujours une brosse à dents. Donc, je me lave les dents avant de manger, après manger. Je me lave tout le temps les mains. Je serre la main de quelqu'un, je suis obligée de me laver les mains. Le déo, c'est pareil, c'est je vais traverser la rue, je vais aller à la boulangerie, hop, il faut que je remette du déo, enfin c'est la propreté. Faut vraiment que tout soit propre. Mais dans tu mon le fais intérieur et sur moi. Tu le fais combien de fois par jour? Parce que je crois que les TOC, c'est quand on répète le truc tout le temps, quoi. Oui, mais là on commence un peu à être là-dedans, ouais, quand même. Oui, on est bien dedans là, tu vois, Chloé. C'est compulsif, hein, on l'entend bien. C'est ça, ouais, j'y peux rien en fait, c'est comme ça. Et si jamais, j'ai mon copain qui a déjà essayé me piquer mon déo ou me piquer ma brosse à dents dans mon sac, non, c'est pas possible, je peux pas, vraiment. Ça rentre dans les TOC, quoi. C'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe justement s'il prend ton déo? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment t'es? Ah, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout, quoi. C'est à la limite, tant pis, je sors pas de chez moi. Je peux pas supporter, en fait, d'être dehors et de pas sentir bon ou d'avoir les mains sales ou. Je sais pas. Ça ne viens pas à la radio, je serais traumatisé. Ah, mais c'est vrai. Donc c'est effectivement un trouble obsessionnel compulsif. Comme tu dis, tu es maniaque. Alors c'est pas le côté psy du maniaque, mais voilà, c'est ça. C'est plus fort que toi. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire ça. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas bien. C'est un trouble obsessionnel compulsif. Alors ça se soigne. ça stresse. Ça soigne. Oui, oui, bien sûr. Comment on fait de... Parce que il y a un moment donné où bon, on en a tous un petit bout. On a chacun nos tocs, on a des rituels, tout ça, ça en fait partie, parce que ça calme les angoisses. Il y a un moment donné où, à force que ça prenne de la place, finalement, ça peut en créer. Comme là, par exemple, toi, si jamais ça peut pas se faire, du coup, t'es pas bien. Bon, finalement, ça commence à prendre le pas, ça peut prendre du temps, et donc ça se soigne. Voilà. Bon, alors ça, c'est la bonne nouvelle, Chloé. Je sais pas si t'es déjà intéressé au truc. Mais tu peux effectivement te faire soigner. Hein. En fait, le problème, c'est quand ça devient tout le temps, quoi. C'est ça. Et alors, on a Axel aussi qui est là, 25 ans de Paris. Bonsoir, Axel. Salut toute l'équipe. Salut, Axel. Salut. Alors, on se met dans une situation. Tu viens de fermer la porte de chez toi. Oui. Tu sors un petit peu, tu fais quelques mètres. Et là, tu te poses la question de si tu as bien fermé la porte. Donc, tu retournes. C'est bien, c'est vrai. Et ensuite, une fois que tu es reparti, tu te reposes encore la question et tu vérifies une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Et ça peut te pourrir la vie, le truc. C'est ça, un toc. Est-ce que tu as un truc dans ce genre-là, toi? Mais c'est bien ça, le problème. C'est qu'en fait, dès que je sors de mon appartement, je vais à la voiture. Et je me pose la question plusieurs fois si j'ai fermé ou pas. Et du coup, j'y retourne, mais fais ça deux, trois fois. C'est exactement ça, toi. Putain, ouais. C'est fou. On est connectés et tous les deux. Le gros problème, c'est qu'une fois, en allant à la fac, j'étais devant la salle de cours. Et ben, du coup, je suis retourné chez moi pour vérifier si t'es bien fermé ou pas. C'est ça, le mec, il fait Paris-Brest, ouais. Tu sais. Putain, arrivé à Brest, il retourne à Paris pour vérifier. Ah, c'est bien ça, oui. Plus ça va, plus ça prend d'ampleur, hein, tu vois. Bon, quand t'es juste de sortie devant chez toi et que tu retournes devant ta porte, ça va. Mais quand t'es à la fac, par exemple, ça commence à devenir gênant. Quand t'es au boulot et en plein milieu de la journée, oh, merde, est-ce que j'ai pas fermé? Voilà. Petit à petit, ça gagne. Ça s'aggrave. Oui, voilà. Petit à petit, ça peut prendre de plus en plus de place. Et c'est souvent ça, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le trouble obsessionnel compulsif sert à masquer d'autres angoisses. Pendant que t'es en train d'aller nettoyer ou regarder si la porte est fermée, ton cerveau, il s'occupe pas de la vraie angoisse qui est au fond. Il y a des angoisses existentielles qui ne sont pas gérées du coup, et donc évidemment, tant que tu les as pas réglées, bah ça prend de la place, puis de plus en plus de place. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller faire un travail, d'en discuter avec un thérapeute. Ça peut se guérir. Pas obligatoirement, quand je dis traitement, ça se guérit ou ça se soigne. C'est pas obligatoirement des médicaments. Ça peut, bon, des fois, mais en tout cas, déjà au moins un petit brin de thérapie, en parler avec quelqu'un, ouais, et puis mal. Les thérapies comportementales qui peuvent aussi marcher dans ce genre de cas. Alice, t'as des tocs, toi? Non, j'ai pas spécialement des tocs, mais il y avait une période où je me faisais des petits challenges en permanence, tu vois. C'est-à-dire que genre, il fallait que marcher sur les bandes blanches ou s'il y avait, tu vois, du carrelage par terre, il fallait que je marche que sur tel carreau, trucs comme ça. Ah ouais, ça. Donc je me fais plutôt des délires comme ça, mais de moins en moins. C'est quoi ça, Doc, se faire des petits défis comme ça? Moi, c'est pareil, je faisais ça aussi, une marche toutes les deux marches, tu vois. Enfin, on n'est pas très loin, hein. On est dans la comptabilité. Le cerveau, il aime bien ça. Hein, dans on la est border. La répétition. Oui, mais bien sûr, mais tout être humain est border, et puis par moment, paf, on y est un peu plus, puis à un moment, on l'est un peu moins. Bon, voilà. Mais voilà, après, il y a des gens comme nos auditeurs où ça prend plus de place. Où je retiens ma respiration sous les tunnels pour faire un vœu. Oh, c'est mignon ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un tunnel, j'ai pris le réflexe, mais c'était quand j'étais gamine, parce que je sais pas, c'était venu avec mon frère, on disait, bon, bah, on fait un vœu, si tu retiens ta respiration jusqu'au bout du tunnel, il va se réaliser. Et genre, mais maintenant, mais des fois, je me mets en galère, hein. Genre, vraiment, tunnel à la du fois, Mont Blanc, c'est ça, ouais. Peux plus, quoi. Ah, ils viennent d'en creuser un super long sous l'Autriche. Ah, mais non, là, mais c'est horrible. Tout à fait. Tu vas aller en Angleterre. Tu vas prendre le tunnel sous la Manche. Ça va. On va accueillir Marie aussi qui est là. Bonsoir Marie. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut. Bonsoir Marie. Alors, elle, son toc, c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de dire salut Doc, salut Karel, salut Alice. Toutes les secondes. C'est ça, t'imagines. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. C'est juste la police, la politesse. Bien sûr. Alors, Marie, c'est quoi, toi, ton toc? Alors moi, c'est en fait j'en ai plusieurs. D'abord, ça a commencé par des tocs de voiture, c'est-à-dire en fait j'avais peur d'écraser quelqu'un en fait. Donc okay. ce qui a amené à des demi-tours sans arrêt, demi-tour. Je pouvais faire des tours de rond-point. Je suis allée jusqu'à 40 tours de rond-point pour voir si j'avais pas écrasé quelqu'un sur le rond-point. Fort. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Meilleur moyen de l'écraser en fait. Là, on tient un gros toc là. La 40 fois le tour du rond-point pour vérifier que t'as pas écrasé quelqu'un. Ouais, c'est. Ah, mais là, c'est chaud, là. Ouais. Et t'as fait d'autres trucs aussi En voiture, bah oui, c'était les demi-tours sans arrêt, s'arrêter sur le côté, attendre que d'autres voitures me suivent pour être sûr que j'avais écrasé personne, en fait. Donc, je pouvais attendre 10 minutes, 20 minutes qu'une voiture arrive. Ok. Et donc après, ça a été la vérification du gaz, de l'eau, des portes. Voilà. D'accord, donc tu es sujette au TOC. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, et tu as essayé de te faire soigner, parce que Doc nous le dit là, c'est possible. Ouais. Alors moi, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des thérapies, donc comme vous disiez, comportementalistes. Ouais. J'ai fait de l'hypnose, j'ai été voir un pusher, j'ai fait de la psychanalyse. Dans tout, en fait, quand je fais le résumé, parce que ça fait 6 ans maintenant que je suis atteinte de TOC, pour l'instant, c'est l'hypnose qui a le mieux marché sur moi, en fait. D'accord, et c'est ça bien. A véritablement ouais. fonctionné, quoi. Donc là, là, c'est supprimé complètement, c'est réduit, c'est supportable, c'est vivable, c'est comment ? C'est vivable. Voilà. Mais je sais pas si un jour je pourrais les enlever totalement. J'ai l'impression que ça fait plutôt partie de moi, en fait, maintenant. Il faut le considérer comme ça. C'est une façon qu'a ton cerveau d'exprimer quelque chose, d'exprimer une angoisse, d'exprimer une inquiétude. Donc, par exemple, quand tu vas être stressé, fatigué, énervé, paf, ça va ressortir. C'est normal. C'est comme ça chez toi. Faut pas vouloir le supprimer. Ouais. Alors, à part avec des médicaments, où là, on les éradique complètement, mais enfin, c'est pas la même chose. Mais avec les autres thérapies, c'est juste d'abord en avoir moins, apprendre à vivre avec, en rigoler, les assumer, et puis faire avec. Ah oui, Marie, merci en tout cas pour ton témoignage, Marie. Alors, je crois qu'avec Constance, on va encore franchir un palier. Reste avec nous, Marie, pour entendre le témoignage de Constance, qui doit, à mon avis, vivre aussi une situation pas évidente. Bonsoir, Constance. Coucou l'équipe. Salut Constance. T'as 18 ans, t'es à Rouen, et toi aussi, t'as un TOC. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je m'arrache les cheveux et les cils un par un. Un par un. Et tu fais quoi de tes cheveux et de tes cils? Je les mets par terre. Donc, des fois, je me retrouve avec des touffes de cheveux par terre. Voilà. Ouais. Donc, je me retrouve aussi avec des trous dans les cils, tout ça. Et en fait, c'est une culsion, en fait. C'est la trichotillomanie, c'est ça, Doc? Trichilomanie, non? Trichilomanie. Ah, bah, moi, je lis ce qui est marqué. C'est compliqué. Je ne connais pas ce mot. Oui, c'est une pulsion, c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est pour ça qu'on dit c'est compulsif. Hein. C'est une compulsion. C'est plus fort que toi. Mais alors, Constance, dans les faits, ça se passe comment? C'est-à-dire que les gens voient que t'as plus de cheveux à certains endroits de ton crâne. Ça doit être bizarre à expliquer, non? Après, ils le voient pas forcément parce que je les arrache vraiment un par un et pas par touffe, en fait. D'accord. Et je les arrache pas au même endroit à chaque fois. Et pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu ressens comme besoin de base, tu vois? Je sais pas, mais j'ai l'habitude de me toucher les cheveux et tout machin. Et en fait, dès que je sens qu'il me fait un peu mal ou je sais pas qu'il me gêne, j'ai la pulsion de le retirer, en fait. Voilà. Et les cils, c'est chelou les cils quand même. Ouais. Et ça dure depuis un mois et demi, 2 mois, et je m'en suis vraiment rendu compte. Enfin, j'ai vraiment commencé à me poser des questions il y a 2 semaines. Ah ouais, non, c'est tout récent. Il y a peut-être une situation dans ta vie autour de toi, dernièrement, qui puisse expliquer ça. Il n'y a pas eu un changement, une modification, un sujet d'angoisse, un sujet de stress, quoi que ce soit de nouveau? Après, j'ai emménagé à Rouen, tout ça, donc je sais ça pas date de si quand c'est un rapport, tout ça. Un emménagement Début décembre. Ah, ça fait 9 mois quand même, c'est un peu loin, mais pourquoi pas. Faudrait en discuter avec quelqu'un, avec un thérapeute. Parce que moi, j'avais vu un témoignage comme ça sur un reportage qui m'avait vraiment marqué à l'époque. C'était une nana qui faisait à peu près la même chose que toi, sauf que elle s'arrachait le cheveu et elle mangeait le bulbe. Tu vois, elle bouffait le bulbe et franchement, elle avait des gros trous dans le crâne et tout. Et je pense que si le truc vient à s'amplifier et tout, ça peut progresser quand tu sais pas cause, ça peut progresser. Surtout quand c'est de l'angoisse derrière d'autres choses, puisque comme je l'ai dit, c'est de l'angoisse qui est pas gérée. L'angoisse a la tendance à se répandre. Donc bon, après peut-être que ça va s'arrêter là, hein. Mais ce serait pas mal quand même. Ah, il faut que t'ailles voir, va en parler, tu vois, même une deux séances. De thérapie pour discuter et essayer de creuser un peu d'où ça vient. Okay, ça fait Constance, jamais de mal de toute façon. Vraiment, tu sais, je sais pas si on peut dire c'est normal ou pas normal, mais en tout cas, pour toi, c'est mieux d'aller checker, quoi. c'est ça. C'est pour toi. Je pense pas que ce soit normal non plus, hein, parce que s'arracher les cheveux et les cils. Bien sûr que non, mais on n'est pas là pour te juger. On sait juste que c'est pas bon pour toi et que c'est pas sain pour toi et qu'il faut forcément t'aider parce que t'as l'air de mal le vivre en plus, ce qui est normal. Voilà. Ah, souvent, le corps, il s'exprime et il dit quelque chose avec des phrases toutes simples du genre. Je m'arrache les cheveux, tu vois. Qu'est-ce que ça vient dire cette phrase-là? Hein, est-ce qu'il n'y a pas une situation très compliquée que t'aimes pas, que tu vis mal? Voilà. Est-ce que c'est pas ça? Et est-ce qu'on peut transmettre un TOC? Par exemple, est-ce que le TOC de Constance peut être transmis à Marie, notre auditrice de Caen? Marie, ça va? Oui, ça va. Pas envie de non? C'est bon? Non, ça va. Ça va. Et t'en penses quoi du TOC de Constance, toi, Marie? Je me rappelle plus. Elle avait quoi comme TOC déjà? Ah d'accord. Marie n'écoutait plus. Ah, voilà. Non mais Trichiloman. Trichiloman. Non, c'est quand tu t'arraches les cheveux, tu sais. Je pense que n'importe quel TOC. On a tous des TOC différents, donc. Je pense que voilà, chaque personne exprime son. Je sais pas comment dire. Chacun son TOC, chacun sa famille. Chacun sa merde. Merci Marie, merci Marie. Alors, Marie, je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle était en train de faire autre chose. Merci en tout cas à Constance, Axel également, qui sont venus. Chloé, vous revenez quand vous voulez, les amis. Et dans un instant, nous serons avec Loïc. Loïc, 19 ans de Paris. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Je reviens pas de cette question, Loïc. T'as 19 ans, qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Bah en fait j'ai peur d'être pervers narcissique. Pervers narcissique. Ouais, c'est chaud. Loïc, on t'entend pas bien, mon poteau. T'es où là? T'es où Loïc? Je suis juste devant chez moi dans le jardin pour pas réveiller les autres. D'accord, ok. Bah tu restes avec nous, on va parler avec toi. Pervers narcissique. Tu nous expliqueras ce que c'est, Doc. Bien sûr, on va revenir aussi avec Kenny Silva sur Fun Radio. Nouvelle bombe à découvrir dans un instant. Fine Day. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love in Fun Radio. C'est nouveau dans la playlist Fun Radio. Fun, Cédric Gervais. Bassada. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés, c'est Fun Radio. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Flash fire, I'm coming for you. You're gonna feel me like the summer, like the sun in your eyes. Hold tight, another minute, another hour, baby, I'ma show you you can rely. Small cloud, try to find ground in the Radio. Si vous avez Instagram, participez à notre grand concours que nous avons lancé sur l'Instagram de Fun Radio. Il y a une petite photo. Vous allez retrouver Alice, Doc, moi-même. Et vous likez, vous pouvez commenter avec votre âge. Ça va vous permettre aussi de... Bah, voilà, de vous inscrire au tirage au sort, tout simplement. Et de faire connaissance avec des filles de votre âge. Ah, aussi, c'est clair. On y va, voilà, étape par étape. Déjà, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes en couple célibataire? Vous avez commencé à matcher. Après, vous avez donné vos villes. Donc, il y en a quelques-uns qui commencent déjà un peu à se parler et se rencontrer. Et maintenant, le cap de l'âge. Ah, n'hésitez pas à participer. En plus, c'est vrai qu'on régale, on file un pack Love in Fun. Voilà, on fera un petit tirage au sort parmi tous ceux qui auront mis leur âge. On va là... Hier, Loïc, 19 ans de Paris, dans un instant. Que se passe-t-il, Coco? On fait un petit point, Coco, du standard. Qu'est-ce qui s'est passé avec Loïc? Loïc vient de raccrocher. D'accord. Mais je te laisse le rappeler et on va retrouver Romain, notre auditeur du soir. Romain. Ouais. Romain, est-ce que tu passes une bonne soirée, mon Romain? Bah écoute, nickel, hein, avec vous, toujours. Toi, tu nous écoutes depuis pas mal de temps, Romain. C'est alors sur les nouveautés qu'on a lancées en ce début de nouvelle saison. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que t'aimes bien? Moi, ce que j'aime bien, c'est l'examen et puis le zap de Coco. Je trouve ça excellent. Ah, le zap de Coco. Ah, alors ouais. ça fait plaisir. Alors ce sera demain dans l'émission, le zap de Coco dans l'émission de demain. Ça va, Coco? Tu galères pas trop? Je suis pas bien. Putain, alors Loïc, il devait pas passer hier, Loïc? Alors si, Loïc devait passer, mais jusque là ça allait bien. Et au moment où je lui ai dit Loïc, on y va dans 30 secondes, je sais pas pourquoi il y a un souci, ça a raccroché. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Coco vit tout à 300%. Ouais, on a l'impression que c'est un drame, tu sais. Alors, je peux vous assurer que vous ne le savez peut-être pas, mais Coco, lui, pour lui, c'est un échec quand un auditeur devait passer et qu'il ne passe pas. Et donc, d'ici 30 secondes, vous allez pouvoir imaginer Coco pleurer derrière son standard. On va te filmer, Coco, d'accord? J'ai un peu bossé pour Coco. On essaie de récupérer notre pervers narcissique. Et juste avant, on écoute comme promis Kinu Silva sur Fun Radio. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short while. It's going to be a fine. To be a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Canu Silva sur Fun Radio, c'était Fine Day. Love in Fun. 22h minuit. Sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. Et Clément est avec nous. Bonsoir Clément. Ouais. Salut l'équipe, ça va? Je suis content de nous entendre. Bah, on est content de t'avoir au téléphone. T'as 22 ans, t'es à Paris. T'appelles pourquoi toi Clément? Alors j'appelle parce qu'il y a la plupart des mecs qui ont le problème que leurs copines ne veulent pas se faire sodomiser. Moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est ta copine qui veut que tu la sodomises. C'est ça, à chaque fois qu'on fait l'amour quasiment, on commence, moi j'ai vraiment pas envie. Et puis forcément je sais qu'elle va y venir et puis elle y vient sans faute quoi, c'est à chaque fois. Ah oui, 100% du temps. Ah c'est vrai que la sodomie on peut passer par l'entrée des artistes doc. Ouais. Ben, oui bien sûr, c'est une zone érogène, c'est un endroit de plaisir comme l'autre, hein. Y a pas de souci ouais, avec sauf ça. Que, c'est quand même trou du cul quoi. Oui, bien sûr, mais quand on respecte un certain nombre de règles, il n'y a pas de souci avec ça. Après, voilà, c'est quand même dans une histoire de couple, a priori. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 6 mois, là. D'accord. Et toi, t'as pas vraiment envie de ça, c'est ça? Bah, au début, on le faisait pas, et jusqu'au moment où on l'a fait, parce que j'étais curieux. Ouais. Et puis, je crois qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé, et... Ouais. Moi j'aime bien, mais c'est juste qu'à la longue, moi j'ai envie de varier quoi. Ouais, c'est tout le temps ouais, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça l'important. Hein, c'est de lui dire ça, de dire ok, d'accord, t'as découvert ce plaisir, t'adores ça, tu kiffes, on va le faire, t'inquiète, on va le faire plus souvent qu'on le faisait avant. Elle a découvert ce plaisir, maintenant faut lui dire bon, un peu de variété c'est bien. C'est comme si effectivement on ne faisait qu'une seule position en intravaginal au bout d'un moment. En intravaginal, doc. Oui, c'est pour dire pas en intra-anal. Ah oui, non mais c'est beau. Non mais voilà, c'est la première fois que j'entends cette expression okay. En intra-vaginal. Et alors Clément en intra-anal, hein, donc toi pour le coup t'es pas motivé. Moi franchement, il y a personne qui me forcerait à mettre mon engin dans un trou du cul. Hein. Non mais c'est vrai Clément. Si t'as pas envie de le faire, non mais de la même façon qu'il y a des filles, leurs mecs veulent les sodomiser, elles ne veulent pas, donc elles ont tout à fait le droit de dire non. Je pense que c'est la même chose pour les mecs, enfin voilà, si les deux sont pas d'accord, bah tu le fais pas. Alice. Oui, bah moi, écoute, oui. j'ai testé une fois, ouais. Parce qu'on me l'a proposé, et... Hey, une petite sodomie. Bah pourquoi pas, dis donc. Allez, et au final, non. Non, ouais. ça marche pas. Enfin, ça, voilà, j'ai pas réussi à la réceptionner. Mauvaise réception. Mais bon, ouais, après, parfois c'est à force. Mais après, oui, voilà, c'est à force, machin et tout. Mais je sais pas si je suis. En fait, ça m'excite pas assez pour avoir envie de prendre le temps par rapport à ça. Après, pourquoi pas si un jour je tombe sur un mec qui a vraiment des envies, que lui ça l'excite, je pourrais peut-être y trouver un certain plaisir de le satisfaire par rapport à ça. Mais bon, je me vois pas me forcer. Ah ouais, ça non, pour ouais. Une histoire d'anus. Enfin, il y a un moment, ça va. Méloche qui n'a pas vu le loup depuis un an et demi. Est-ce que t'as déjà pratiqué la sodomie, toi, Méloche? Oui, je le dis publiquement, ça y est, j'ai pratiqué la sodomie. Et, non, mais alors, voilà, coming donc tout à fait, coming out de sodomie. Et c'est une pratique que tu aimes bien ou pas? Non, franchement, j'ai essayé 2 fois, ça fait mal. En fait, ça fait mal au début, mais c'est surtout la sensation où t'as l'impression que tu vas faire caca. Ah. T'as l'impression que t'as le caca qui ressort et qui rentre comme ça. Mais je te promets, hein. C'est bizarre comme sensation, c'est gênant en fait. Ouais, t'es pas habitué quoi. Ouais, donc, c'est parce que là, dans ta tête, il y a expulsion. C'est un truc qui sert à expulser. Donc effectivement, t'as cette sensation là. Ouais, ah, il me tue, Méloche. J'ai l'impression de faire caca quand mon mec me sodomise. Alors du coup, je pousse. Je pousse. Non mais alors moi, pour l'avoir fait, j'avais vraiment la sensation que c'était trop serré, que j'étais pas au bon endroit quoi. Et j'arrivais pas à me sortir de la tête que j'étais dans l'anus. Ouais. Toi, Kassim, tu l'as pratiqué ou pas? Bah oui, je pratique assez régulièrement et moi je kiffe en fait. Et ma meuf, elle kiffe aussi de ouf. Ah ouais. Mais en fait, il faut bien le préparer, faut se mettre en situation, tu vois. Au début, tu mets un doigt, après tu mets 2 doigts, après tu lubrifies bien avec pas mal de lubrifiant et après tu commences à mettre ta teub avec une capote parce que sinon c'est un peu dégueulasse quand même. Ouais. Et après tu rentres tranquillement, faut pas forcer, faut écouter ta partenaire, hein. Si elle commence à siffler du cul, c'est que c'est pas bon. Ah ouais, donc, si, en cas de sifflement on arrête. Ouais. Si ça resserre un un peu. Non, c'est tranquille, il faut y aller tout doucement. Et en même temps, surtout pour rentrer easy dans un cul, c'est qu'il faut titiller le clitoris, quoi. Ah bah comme oui. Ça, ça te détend de ouf. Tu lui tires un peu les cheveux, tu lui plottes les seins. Non, et mais calme-toi, calme-toi. Donc là, il est parti, là. Oh, c'est une bête, le mec. Sans déconner, quoi. T'as l'ours. Et au moins, elle a des orgasmes, quoi. Ouais, non, mais voilà. Non, mais après, voilà, c'est une pratique. Il y en a qui kiffent. C'est juste, c'est Clément. C'est fréquent, quand même. Mais bon, ouais, voilà. C'est pas voilà, c'est surtout, Clément, c'est pas obligatoire. Si toujours tu dois passer par cette pratique-là pour lui faire plaisir, bon bah au bout d'un moment on en prend moins. Il y a habituation, c'est-à-dire qu'à toujours répéter la même chose, bah on prend moins de plaisir. C'est normal. Donc bah il faut juste que toi tu lui dises t'es gentil, mais j'ai aussi un peu envie de faire autre chose des fois. Ah moi j'aimerais bien qu'on en parle avec elle, Clément. Si un de ces quatre t'as envie qu'on lui passe un petit coup de téléphone pour en parler avec elle, ce sera avec grand plaisir. Ouais, je te connais, tu vas essayer de lui parler, non? Bah oui, je vais essayer de lui parler, mais pour ton bien, hein? Non, ouais, mais vraiment. Mais après, je me disais, c'est un peu dur de lui en parler quand c'est sur le coup parce qu'elle est super excitée, elle en a super envie. Ah. Il faudrait que j'arrive à aborder le sujet en dehors, quoi, mais ouais, c'est un peu compliqué. Vous communiquez pas sur le sexe en dehors? On communique sur le sexe, mais généralement plutôt à propos des choses positives, quoi. On fait pas de reproches ou de, au moins de dire. Bien sûr, mais alors, il faut. Bien sûr, Clément, c'est très bien. Mais tu peux en parler. Ce que je te demandais, c'est est-ce que vous ne parlez du sexe que quand vous êtes en train d'en faire ou juste autour, ou est-ce que ça peut aussi vous arriver à d'autres moments de la journée, de la soirée, du week-end? Non, ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Bah, il faut en parler très naturellement et puis lui dire ah au fait tiens bah tu sais pour la sodomie moi j'aime bien etc bon j'aimerais juste que ce soit pas toutes les fois parce que j'ai aussi envie de varier les positions les endroits les machins les trucs ah bah tiens moi j'aime bien ça j'aime bien ci il s'agit de pas mettre le doigt sur bon bah là tu me saoules avec ce que t'as envie et je veux pas c'est pas comme ça que ça se présente tu mets les formes bien sûr oui, hein, mais bien sûr, faut quand même que tu parles de toi et de tes envies et de bah j'ai aussi un peu envie d'autre chose il y a pas que ça dans la vie elle vient de le découvrir donc c'est waouh, c'est génial. Ouh, bon. Trop cool, hein, Sodo. Mais bon, il faut un peu passer à autre chose maintenant. Ok, Clément, c'est important la communication. Hein. Ok. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Bon, bah voilà, dis-lui, je veux pas t'enculer, ça ne me plaît pas. Voilà. Hein. Je compte sur toi, Clément. Okay. Yes, merci beaucoup, l'équipe. Gros bisous, Clément, tiens-nous au courant si t'as besoin de plus. Et on va se faire une question à la con. Hein. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Bonsoir, Maëva. Salut Doc, salut Karen, salut Alice. Salut. Bonsoir Maëva, tu as 21 ans, tu nous appelles de Reims, tu avais une petite question con. C'est ça, moi du coup dans une émission précédente j'avais entendu que le sperme du coup dépendait de ce qu'on mange. Oui, l'odeur. L'odeur, ouais, l'odeur. Ouais, bien sûr. Oui, ok. Et du coup, bah, moi je me demandais si par exemple mon mec il mange quelque chose de sucré et que genre s'il m'éjacule dans la bouche, est-ce que genre bah, je peux avoir des caries ou pas? Enfin, s'il y a des trucs, du coup, tu vas faire. Ah, c'est magnifique! Est-ce qu'on peut avoir des. Mais oui, Doc, attention! C'est une très bonne question. Mais bien sûr, Maëva s'inquiète pour ses caries, Doc. Non, le sucre qui est présent dans le sperme, c'est du fructose et ça ne donne pas de caries. Voilà, et eh ben voilà, d'accord. Maëva. Tu okay, peux sucer, avaler en toute tranquillité grâce à Love in Fun. Super. Génial, merci beaucoup. À bientôt, Maëva! Du coup dentaire. Merci, salut Maëva. Et on va remercier notre auditeur du soir. Salut Maëva. Romain, 22 ans de Paris. T'en as appris des choses encore ce soir, Romain. Ah ouais, comme tous les soirs. Eh ben merci beaucoup. J'ai encore beaucoup fait moins con. Hein. Exactement. C'est un petit peu notre mission tous les soirs. Hein. Enfin, pas du tout, mais bon. Alors, Romain, c'est toi qui termines cette émission. Si t'as un truc à dire, vas-y, dis-le maintenant ou tais-toi à jamais. Ouais, bah alors merci à vous. 2 heures, ça passe super vite. En tout cas, vous êtes excellents. Continuez comme ça. Continuez à aider tout le monde, tous les auditeurs qui appellent, ceux qui veulent appeler, n'hésitez pas à parler de ce que vous voulez. Vous serez toujours bien accueillis en tout cas. Donc merci la famille. Bah merci beaucoup. Merci. Et ça fait vraiment plaisir. Romain, on va t'envoyer des places aussi pour aller voir le film à la 2, d'accord? Ok, c'est gentil. Et si c'est pas trop demandé, si je peux avoir un petit sextoy Lélo pour ma chérie, okay. Je pense que ça lui ferait plaisir. Allez, c'est pour Alice. Elle va te donner le sien. Ouais, c'est ça. Mais j'ai utilisé que 2 fois, t'inquiète. Ça va. Salut mon Romain, merci beaucoup. Salut la famille, merci, bisous. Et voilà, et tous les soirs, après Love in Fun, que se passe-t-il? Adrien Thomas. avec. Bonsoir. Avec, putain, avec le petit sweat perfect. C'est quoi le. C'est marqué quoi? C'est perfectly. Perfect. Non, non, je suis parfait tout simplement. Tout mais on le sait. Bah, oui, on le voit, ne cesse de le répéter. On le voit. Ça se sent quoi. Ouais. Non mais c'est vrai. Alors j'ai l'impression que t'es en train de préparer ton émission là, au moment où tu nous parles. Alors pas du tout. Tu sais quoi? Tout est prêt. Oh. Qu'est-ce qui se passe le soir après Love in Fun à minuit? Eh bien c'est une émission où je fais ce que je veux. C'est bon ça. C'est une émission où. Non mais c'est vrai. Et tu peux et passer les sons que tu veux. Absolument. C'est-à-dire que habituellement à la radio on a une playlist, on suit une playlist pendant une heure. Ah c'est vrai. Et là non. Moi, tu sais quoi, au début, quand j'ai commencé à la radio, je pensais vraiment que les animateurs choisissaient la musique. Ah, oui, oui, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai qu'on est soumis aussi à certaines réglementations. Absolument. Et que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Eh bien, moi, à minuit, je fais ce que je veux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais alors, je fais ce que je veux, mais je ne sais pas ce que je vais faire. C'est aussi ça, la subtilité de cette émission. Voilà, c'est-à-dire que là, je pourrais te dire qu'il va y avoir Loud Luxury, un bootleg avec Idacor, un vieux morceau produit par Fédé Legrand au début des années 2000, ah ouais, ou alors fort. Le nouveau Sound of Legend, ou encore, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme kiff? Le morceau de DJ Snake avec Geshi et French Montana, Creep on Me, que j'adore, qui est un métier de préférence en ce moment. Eh ben voilà, c'est eh tout ben, ça. Et tout ça. Alors, elle est pas préparée l'émission. Eh ben, elle est bien préparée, elle est préparée sur trois sons. Bravo. Merci beaucoup et rendez-vous dès demain 22h, on sera là Love in Fun avec toute l'équipe et Adrien Thomas Party Fun sur Fun Radio. Ciao. Salut. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party Fun. Make a sound, 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for sitting down. Give me some verb, I ain't keeping down. You wanna ride in the six, you wanna down in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some bits. And I'm like, hell no, been waiting too long. Hell no, I want that cool love.